Bien, donc pour cette troisième séance du séminaire, donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Romain Bertrand. Donc Romain Bertrand est directeur de recherche à la FNSP, au CERI. C'est un politiste essentiellement spécialiste de l'Indonésie, mais pas que, en fait, et qui, en particulier, donc, avait publié en 2005, si ma mémoire est bonne, un ouvrage intitulé donc, la tradition parfaite, qui était en fait le sous-titre, sur la noblesse, enfin, colonialisme, noblesse et patriotisme à Java, et qui ensuite est intervenu à partir de 2005-2006 sur les questions, les enjeux liés au passé colonial et à la façon dont en France on écrit l'histoire ou la mémoire de ce passé colonial, donc avec un ouvrage en 2006 qui était intitulé « Mémoire d'Empire » et dont l'étincelle avait été l'article 4 de la loi du 23 février 2005, le fameux article sur les aspects positifs de la présence française outre-mer. Et Romain a continué à travailler à la fois sur le plan de l'épistémologie, de l'historiographie et sur l'Indonésie à partir de la question donc, de la rencontre impériale. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où se rencontrent deux peuples, l'un sur le territoire de l'autre, et surtout une des questions principales est comment est-ce qu'on peut retracer cette histoire et à partir de quelle source. D'où l'enjeu de cette intervention et de cette communication d'aujourd'hui, donc sur une histoire globale, un peu trop globalement européenne, à savoir la tendance des récits historiographiques sur les rencontres impériales à ne se fonder globalement que sur des archives des colonisateurs et assez rarement sur les archives des colonisés, si on peut même utiliser cette expression, mais ça sera à toi de nous le dire. Et donc là le projet de Romain est de tenter de voir s'il est possible d'écrire une histoire à parts égales entre le colonisateur et le colonisé. Donc sans plus attendre, je te laisse la parole. Tu prends ton temps. D'accord. Voilà, tu fais que chez toi. Alors comme vous le voyez, j'aurais besoin du support d'une carte, mais j'ai été bien incapable de la réaliser dans les temps pour vous la présenter, vous la projeter, donc je l'ai faite à main levée. J'espère que ça sera suffisant. Alors je vais situer très rapidement mon propos et puis après je vais donc vous livrer la petite histoire à partir de laquelle j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur la façon dont aujourd'hui on peut fabriquer à nouveau frais, théorique, méthodologique, des grands récits de ce qu'on appelle aujourd'hui la globalisation et qui, pour la période qui m'occupe moi plus particulièrement, se nommerait plutôt la première mondialisation. Première mondialisation, c'est-à-dire, pour aller vite, de la découverte des Amériques jusqu'à l'orée du XVIIe siècle. La phase d'expansion des puissances ibériques et hispaniques. Et donc la petite histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui prend place au tout début du XVIIe siècle, en 1602. C'est une histoire de première mondialisation et donc également, comme souvent dans ces cas-là, une histoire de bateau. Étant entendu que, du point de vue de l'Europe ou des Européens, ou de ce que à l'époque on peut identifier comme étant peu ou prou ce qui va devenir l'Europe, la première mondialisation est une histoire maritime. Ce qui n'est pas le cas si, par exemple, on la regardait du point de vue de l'Empire ottoman. Penser le monde à cette époque comme étant composé, alors vraiment tout ça est très schématique, de deux grands systèmes de communication et d'échange à longue distance, deux grands systèmes de connexion marchande, diplomatique à longue distance. L'un est maritime et c'est celui qui peu à peu va se dessiner sous la domination des Européens. Donc ce système, c'est celui qui va relier la péninsule ibérique aux Amériques, la péninsule ibérique via le cabotage le long des côtes de l'Afrique à l'Asie, pour aller vite, qu'à l'époque on appelle les Indes orientales, les Indes de l'Est, par opposition aux Indes occidentales, qui sont les Amériques, donc les vice-royautés du Mexique et du Pérou. C'est ça qui va dessiner la dissémination des présences et des dominations européennes dans le monde. Donc une mondialisation, une première mondialisation qui est essentiellement maritime. Mais si on se place par exemple du point de vue d'Istanbul, et donc des routes de la soie, de cette espèce d'immense réseau galactique de routes de commerce qui en gros partent d'Istanbul et vont jusque dans l'ouest de la Chine, ici, qui couvre l'ensemble en gros du monde indo-persan, de l'Afghanistan, du Pakistan actuel, etc., qui est un monde placé essentiellement sous la domination de pouvoirs musulmans, pas arabo-musulmans, ottomans dans cette partie-ci, et puis chinois-musulmans de l'autre côté, là la mondialisation pour le coup est terrestre. Vous voyez, donc en fait coexistent encore, jusqu'à l'orée du XVIIe siècle, ces deux espèces d'ensemble de connexions, l'un maritime qui peu à peu, mais très lentement, bascule sous domination européenne, qui est beaucoup plus éclatée, polycentrique, et puis un autre ensemble, alors beaucoup plus massif, au sens où il couvre une masse continentale, qui est l'héritier des grandes routes de la soie des XIIIe, XIVe siècles. Donc ce grand négoce, si on dessinait les routes de la soie, c'est un espèce de lacis de routes comme ça, secondaires, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, voilà, et qui court donc pratiquement sur... toute l'étendue du continent eurasiatique. Donc je le dis parce que, de facto, vous parlant de bateau, je vous parlerai d'une première mondialisation telle qu'elle s'est nouée dans le sillage de ce que l'on a appelé, continue à appeler, les grandes découvertes européennes. Mais il ne faut jamais oublier cet autre système, parce que c'est lui qui explique pourquoi les Européens ont choisi la voie maritime pour leur expansion. C'est-à-dire que concrètement, au XVIe siècle, bon, vous connaissez l'histoire, on sort du grand règne de Soliman le Magnifique, qui a été jusqu'à assiéger Vienne, qui d'ailleurs est mort en assiégeant Vienne. La bataille fait rage en Méditerranée entre le pouvoir ottoman et le pouvoir hispanique. Et donc, d'une certaine façon, ce monde-là, ce premier ensemble de connexions, est fermé aux Européens. Autrement dit, si vous êtes Européen et que, pour une raison ou une autre, vous voulez rallier l'Asie, la seule voie qui reste est la voie maritime. Il n'y a pas, à l'époque, de canal de Suez. Ça veut dire, donc, circumnaviguer le long des côtes de l'Afrique et ensuite traverser l'océan Indien. Donc, l'expansion maritime des Européens n'est pas, en fait, une espèce de décision libre. C'est un choix sous contrainte lié à la clôture ottomane de l'entrée des routes de la soie. Il faut vous rappeler aussi qu'à l'époque, l'Empire ottoman, donc depuis les années 1510, dans le siège est à Istanbul, c'est très mal fait ma carte là, mais grosso modo, voilà, a la main mise sur un certain nombre de territoires au Maghreb, et puis sur la totalité de la péninsule. Ça, c'est la péninsule arabique qui est très mal faite. Donc l'Empire ottoman, depuis les grandes conquêtes de 1510-1511, domine en fait un gigantesque arc en Méditerranée orientale qui de facto coupe la route des Indes orientales aux Européens. Voilà, ça c'est juste simplement pour situer la chose. Alors je vous l'ai dit, c'est d'une toute petite histoire finalement dont il va être question. C'est une histoire qui prend place au début du XVIIe siècle et dans un ouvrage récent qui s'appelle Le Chapeau de Vermeer, qui a été traduit en français je crois l'année dernière, Vermeer's Hat. Tim Brooke, qui est un spécialiste de la Chine de la fin des Ming, c'est-à-dire de, en gros, 1590 à 1644. C'est un livre magnifique, si vous avez l'occasion d'aller lire Le Chapeau de Vermeer de Tim Brooke. C'est un petit ouvrage dont le principe est qu'à travers une revisite de peinture de Vermeer, donc le grand maître du début du XVIIe siècle, des luminosités, etc., on essaye de montrer ce que cette petite province perdue du nord des Flandres, les provinces unies qui vont devenir les Pays-Bas, doivent en fait au quotidien, pour se fournir en fourrure, pour se fournir en porcelaine, pour se fournir en épices, à ces connexions à très longue distance. Donc ça donne des chapitres assez magnifiques. Il y a un chapitre dans lequel on voit un lombard, c'est-à-dire un changeur de monnaie, qui est coiffé d'une petite toque de fourrure. Et évidemment, l'origine de la fourrure à l'époque, c'est toute l'épopée, pour aller vite, des rivalités franco-britanniques dans ce qui va devenir le Canada. Donc voilà comment, à partir de ce qu'on a considéré comme étant un peu l'apogée et le reliquaire de la culture européenne, la grande peinture flamande, hollandaise du début du XVIIe siècle, on peut en fait retracer toutes ces connexions. Alors dans ce livre, Vermeer's Hat, Tim Brooke en introduction dit, bon, je vais parler essentiellement du XVIIe siècle, et le XVIIe siècle est le siècle des seconds contacts. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, même lorsque les Européens vont rencontrer, entre guillemets, pour la première fois, par exemple les Chinois, puisque c'est la période de l'essor de la présence jésuite en Chine, hein, sous le règne de l'empereur Wanli, les jésuites peu à peu vont monter vers la capitale, bon, ne seront jamais autorisés à s'y installer, mais Matteo Ricci, c'est une histoire déjà du début du XVIIe siècle, beaucoup plus que de la seconde moitié du XVIe siècle. Donc même lorsqu'on a l'impression qu'il s'agit d'une première fois dans la rencontre entre Européens et tel ou tel peuple ou population d'Asie, en fait on s'aperçoit qu'il y a toujours eu déjà des contacts, parfois hein, depuis 100 ans, 150 ans, etc. Donc c'est un scénario, ce scénario des seconds contacts, très différent dans le type d'interaction qu'il produit et dans le type d'interaction assez facilement routinisée qu'il produit, du scénario, par exemple, de la rencontre entre Cortés et l'Empire aztèque. Donc, en 1492, Colomb, et puis par la suite les conquêtes de Cortés dans les années 1510-1520, il y a effectivement quelque chose qu'on a beaucoup décrit comme un choc des mondes, comme un heurt d'incommensurabilité entre des cultures à ce point distantes qu'elles avaient du mal tout simplement à communiquer l'une avec l'autre. Alors, quel que soit le regard sociologique qu'on puisse jeter sur cette lecture, le fait est qu'on a bien là un premier contact. C'est très différent au XVIIe siècle où on est finalement toujours, hein, c'est-à-dire que si vous cherchez derrière ce qui vous apparaît comme un premier contact, on est en fait toujours dans le sillage de contacts plus anciens. Il faut se rappeler ici que les échanges entre l'Asie et l'Europe sont des échanges extrêmement anciens, hein, qui datent de l'Antiquité, bien sûr, et en particulier de l'épopée d'Alexandre le Grand. C'est pas anecdotique que je vous parle d'Alexandre le Grand, parce que par exemple, au début du XVIIe siècle, vous prenez de petits pouvoirs côtiers en Insulinde, dans ce qui est aujourd'hui l'Indonésie. Vous prenez par exemple le sultanat d'Aceh, qui est à la pointe de l'île de Sumatra. Vous prenez le sultanat de Johor. Et vous lisez les textes qu'un certain nombre de scribes de la royauté écrivent, en général pour célébrer leur roi. À peu près tous ces textes s'ouvrent, donc on est en 1602, 1605, 1607, s'ouvrent sur le rappel que les souverains du monde malais sont les descendants d'Alexandre le Grand. Donc ces légendes alexandrines, dont on voit bien qu'elles ont cheminé véritablement pendant des siècles, hein, sont encore en usage, en vigueur, dans le monde malais au début du XVIIe siècle. Ça vous donne une idée de la profondeur des connexions eurasiatiques. C'est littéralement presque deux millénaires de connexions entre donc cette partie, cette pointe occidentale de la masse eurasiatique, qui est l'Europe de l'Ouest, et puis donc l'Asie, la Chine impériale, le Japon, etc. etc. Donc voilà, il s'agit d'interactions de second contact, comme le dit Tim Brook. Alors, pourquoi j'ai choisi finalement une toute petite histoire? Parce que vous allez voir, c'est vraiment une toute petite histoire. C'est une histoire de quelques bateaux, et c'est une histoire qui prend place sur quelques mois seulement. Parce que mon sentiment personnel est qu'en ce moment, on a beaucoup plus besoin de validation ou de réfutation empirique de théorèmes que de nouveaux paradigmes, de nouvelles propositions abstraites de recherche. Parce que d'une certaine manière, on est en surcharge de programmes théoriques. Histoire comparée, histoire connectée, histoire transnationale, histoire des transferts culturels, sociologie de la globalisation ou du global, sociologie du transnational, etc. etc. On pourrait multiplier hein, les labels. On a en ce moment tout un ensemble de paquets de propositions théoriques sur le marché. Alors ça a un effet peut-être très stimulant intellectuellement, mais ça obscurcit aussi l'enjeu pratique de ce type de recherche. Il faut sortir de la guerre des labels pour se demander quelle est très concrètement la question de recherche qu'on met en jeu et en œuvre. Et à mon avis, le moyen le plus simple de le faire, c'est de repartir donc, de petites histoires, hein, d'histoires au ras du sol ou au ras des flots, et de montrer notamment comment, de façon très concrète, on découpe un objet, on délimite une documentation, on l'exploite, etc. etc. Donc c'est pas de l'anti... théoricisme primaire, c'est simplement que je pense qu'en ce moment, on voit une espèce de grande confusion dans tous ces labels. Et du coup, on ne sait plus très bien ni comment appeler ce qu'on fait, ni surtout ce qu'on cherche. Donc ce que je voudrais faire, moi, c'est à partir de cette petite histoire, vous montrer quelle est ma question de recherche. Et après, bon, alors pour le coup, très honnêtement, peu m'importe le label historiographique qu'on appose ou pas, d'ailleurs, sur ce type de démarche. Alors, c'est une histoire donc de bateau, et c'est une histoire qui commence en mars 1602. C'est une histoire qui commence en mars 1602 dans l'endroit le plus improbable qui soit, un des endroits les plus isolés du monde, sur l'île de Sainte-Hélène. Donc je dis un des endroits les plus improbables du monde, parce que l'île de Sainte-Hélène est un des endroits les plus isolés du monde aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, il n'y a pas d'aéroport à Sainte-Hélène. Il y a un bateau qui est le dernier grand bâtiment de la marine britannique impériale, HMS, qui part du Cap et qui dessert Sainte-Hélène une fois par semaine, etc. Sainte-Hélène est en gros à équidistance entre le Brésil et les côtes africaines. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est un non-lieu. Il y a 4000 personnes, deux guest house. Bon, tout ça n'est pas grand-chose. Mais Sainte-Hélène, pendant 200 ans, a été un des lieux les plus convoités de l'histoire de la fabrique et de la concurrence des empires européens. Alors, pour une raison simple et liée au vent, je vais montrer comment ça fait. Tac. Bon, il y aurait les Açores quelque part par là. La carte est vraiment très très mauvaise. Mais... voilà. Quand vous quittez l'Europe et que vous voulez faire voile vers l'Asie, vous avez deux solutions. Soit vous longez les côtes de l'Afrique. Ça, tac, tac. Vous faites du cabotage le long des côtes de l'Afrique, Golfe de Guinée, etc., etc. C'est très très long. C'est très long et en plus, les côtes sont parfois redoutablement difficiles à naviguer. Soit vous prenez ce qu'on appelle à l'époque la volte de l'Atlantique. La volte de l'Atlantique, ce sont des vents qui soufflent 8 mois par an, comme ça. Et puis il y a un peu la même chose dans le sens inverse. Et en gros, c'est une espèce d'accélérateur, hein, de vitesse. Donc si vous prenez la volte de l'Atlantique à peu près ici, ça vous amène quasi directement à Sainte-Hélène et dans la suite des vents au Cap. Autrement dit, vous gagnez, pour vous dire les choses de manière très concrète, à peu près 2 mois en termes de temps de navigation. Voilà la raison pour laquelle des îles voilà, totalement isolées comme Sainte-Hélène, il y a encore plus petit, hein, Tristão da Cunha, qui est notre île, ça, sont devenues des escales providentielles et extrêmement importantes à l'époque, c'est-à-dire que lorsqu'on prenait la volte de l'Atlantique, la seule escale finalement de pleine mer qu'on pouvait faire, c'était Sainte-Hélène. Et Sainte-Hélène a été découverte donc, dans les années 1510 par les Portugais, et jusque dans les années 1650, Sainte-Hélène a été en permanence convoitée par les Portugais, les Hollandais, les Britanniques, elle a été prise, etc., libérée, reprise, parce que c'est devenu une station de ravitaillement, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau douce, il y avait des chèvres sauvages, et puis on y a planté des orangers et des citronniers pour lutter contre le scorbut, qui était la maladie des voyages au long cours à l'époque, l'absence de vitamine C qui faisait se déchausser, tomber les dents des marins, qui provoquait la mort d'ailleurs assez rapidement après l'apparition des premiers symptômes. Donc voilà comment un petit îlot isolé, tout au long du XVIe et d'une partie du XVIIe siècle, est en fait un enjeu crucial des rivalités entre Européens dans leur voyage vers l'Asie. Donc Sainte-Hélène en mars 1602. C'est l'histoire d'une rencontre entre un bâtiment portugais qui vient de Goa. Ici vous avez le Cap. Et des bâtiments hollandais, donc ici vous avez le bâtiment portugais, ici des bâtiments hollandais, donc un grand navire portugais et 3 bâtiments hollandais, 2 qui viennent du sultanat d'Aceh, un 3e qui vient de la ville de Banten, qui est située sur la côte nord de Java, et qui donc alors, totalement par hasard se retrouve en baie de Sainte-Hélène, 2 jours après son arrivée, le bâtiment portugais voit, alors, évidemment, à son grand effroi, arriver ces 3 bâtiments hollandais. Évidemment, tout ça vire à la bataille immédiate. Là, il va falloir que je vous refasse un petit flashback sur l'Empire portugais des Indes. À compter de 1510 et 1511, les Portugais, qui ont découvert donc, la route de l'Asie avec Vasco da Gama à compter de 1498, les Portugais, donc, tout au long du XVIe siècle, vont bâtir en Asie un réseau de comptoirs, qu'on appelle des factoreries, qui sont dirigés par des facteurs, qui sont en fait des officiers fiscaux de la couronne de Portugal, Et ils vont en fait mailler les codes de l'Asie de ces comptoirs. Donc ça commence à Sofala, au Mozambique. Il y aura un comptoir d'ailleurs assez éphémère à Ormuz. Il y aura un comptoir à Goa. Et puis un comptoir à Malacca. Et tout un ensemble de petits comptoirs secondaires. Le réseau donc de ces comptoirs forme à l'époque ce qu'on appelle l'Estado da India, l'État des Indes. Qui est une vice-royauté, c'est-à-dire que le roi de Portugal nomme un vice-roi des Indes. Et ce vice-roi des Indes a autorité sur ce qu'on appelle l'Empire portugais des Indes, mais qui en fait n'est qu'un réseau de villes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de territoire derrière, il n'y a pas eu de conquête territoriale. Mais donc les Portugais, depuis les années 1510, se sont insérés dans tous ces espaces de négoce en Asie. Alors pour faire vite, il y a un événement extrêmement important qui est qu'en 1580, il n'y a plus d'héritier à la couronne du Portugal. Et pour des raisons matrimoniales, la souveraineté sur la couronne de Portugal échoit au roi d'Espagne, qui est aussi l'un des héritiers de Charles Quint. Donc en gros, en 1580, je suis désolé parce qu'il va tomber en panne. Parce que... Il y a une unification du Portugal et de l'Espagne sous l'autorité de Philippe II. Après, j'arrête avec ces rappels historiques, mais c'est vraiment ce qui permet de comprendre ce qui va se passer par la suite. Et c'est probablement l'événement dans l'histoire de l'expansion impériale européenne le plus important des 16e et 17e siècles. C'est-à-dire que Philippe II, qui est roi de Portugal, merci, roi d'Espagne, hérite de la couronne de Portugal, et Philippe II est aussi un des héritiers du grand empire de Charles Quint, ce qui signifie qu'il a des territoires dispatchés un peu partout en Europe. Par exemple, il a Naples, et il a les plats pays, c'est-à-dire en gros les Pays-Bas actuels, qui à l'époque regroupent les provinces du Sud, qui sont les provinces de Flandre. Donc en 1580, qu'est-ce qui se passe? Sous l'autorité d'un même souverain, la route des Amériques et la route de l'Asie se trouvent rassemblées. Et il se trouve que ce souverain est devenu l'ennemi des Hollandais, puisque à partir de 1568, les Hollandais, sous la direction de Guillaume d'Orange, de la maison d'Orange-Nassau, se soulèvent contre l'autorité de Philippe II. Donc la raison pour laquelle les Hollandais vont essayer d'aller chercher la route des Indes et de pénétrer en Asie portugaise, ça n'est pas au départ une espèce de curiosité, de fascination pour l'Orient, c'est l'idée d'ouvrir un second front contre l'autorité de Philippe II et du pouvoir hispanique pour l'affaiblir dans la guerre qu'ils mènent contre eux, donc en Europe de l'Ouest. Et lorsque vous lisez les récits de voyage des premières navigations hollandaises, c'est-à-dire les premières expéditions hollandaises qui vont arriver jusque à Java, jusque sur les côtes de l'Inde, etc., le motif qui est perpétuellement avancé, c'est d'affaiblir les Espagnols sur leur flanc asiatique. Donc voilà la situation au début du XVIIe siècle. On est toujours en guerre. C'est l'héritier de Philippe II, c'est Philippe III. Mais enfin, la guerre fait toujours rage dans les Flandres, entre la maison d'Orange et le pouvoir hispanique. Et le pouvoir hispanique, ça veut dire donc aussi les Portugais, depuis 1580. Et il se trouve qu'en mars 1602, se retrouve dans la baie de Sainte-Hélène une caraque portugaise, qui vient de Goa, et des navires hollandais qui, eux, reviennent de leurs premières expéditions vers l'Asie. On est donc dans un état de guerre déclaré, et très rapidement, les trois bâtiments hollandais font la capture du vaisseau portugais. Alors simplement pour vous rappeler, en fait, les routes qui relient l'Asie jusqu'au Portugal, c'est-à-dire jusqu'à Lisbonne, ce qu'on appelle à l'époque la route de l'Inde, la Carreira da India, et chaque année, il y a une grande escadre composée de plusieurs caracs, qui sont des galions immenses, des galions qui peuvent charger jusqu'à 1000 tonnes. Il y a une escadre de 4 ou 5 galions qui part de Goa et qui rentre à Lisbonne chargée de toutes les richesses, épices, soie, porcelaine, etc. Donc le bateau qui se fait capturer par les Hollandais en mars 1602 à Sainte-Hélène, qui s'appelle Chao Thiago, c'est l'un des 4 vaisseaux de l'Esquadra da India qui est parti, comme chaque année, donc profitant des vents favorables, depuis Goa pour rentrer à Lisbonne avec une cargaison tout à fait appréciable. Beaucoup de porcelaine, de la soie, de l'ambre, du musc, des épices, cannelle, clou de girofle, poivre, etc. Donc évidemment, pour les Hollandais, c'est une prise de guerre. C'est une prise de guerre particulièrement conséquente. Alors je finis l'histoire de ce vaisseau, donc portugais, qui est capturé par les vaisseaux hollandais. Tas de récits de la bataille, on a des récits hollandais, on a des récits portugais. On a aussi, de manière assez intéressante, le récit d'un marchand italien qui était présent sur ce bateau portugais, qui s'appelle Francesco Carletti, un marchand toscan. Carletti est un espèce de marchand universel qui rentre des Indes orientales sur un bateau portugais, mais qui auparavant s'est rendu aux Amériques, a circumnavigué le long des côtes du Pérou, a réussi à faire le passage depuis les Amériques jusqu'à Manille, s'est arrêté à Macao sur les côtes chinoises, etc. Donc Carletti, c'est un peu le modèle du marchand florentin, en l'espèce. C'est quelqu'un qui venait du port de Livourne, qui à l'époque est omniprésent en Asie, qui sont des gens qui sont des intermédiaires souvent entre l'Europe, le pouvoir ottoman, les pouvoirs asiatiques, etc. Donc Carletti va publier les récits de ses tribulations, Ragionamenti, et il y a trois chapitres qui décrivent, il a vécu la bataille entre le bateau portugais sur lequel il était embarqué et les navires hollandais. Donc on a d'ailleurs quantité de récits de cette bataille. Ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à présent, on ne les avait jamais rassemblés. C'est-à-dire que les récits hollandais, c'était l'histoire hollandaise de... Voilà, la découverte de l'Asie. Les récits portugais, c'était un récit parmi d'autres de la perte d'une caraque parmi d'autres. Et quant à Carletti, finalement, c'est quelqu'un qui avait été beaucoup utilisé par les historiens économiques, mais finalement, on s'était assez peu penché sur son récit de voyage en tant que tel et sur les modalités de son périple. Donc ce qui est amusant, c'est déjà quand on rassemble toutes ces documentations, sur un événement aussi minime que la prise d'un bateau portugais par des bateaux hollandais en 1602, on a déjà une quantité de documentation qui permet de varier les points de vue sur l'événement. Donc les Hollandais capturent la Chao Thiago. Évidemment, ils ne la coulent pas, ils décident de la ramener aux Pays-Bas. Ils prennent la volte de l'Atlantique et ils font une première escale. Un petit archipel qui est situé à l'est des côtes brésiliennes, qui s'appelle Fernando de Noronha, qui est devenu un des grands spots touristiques brésiliens. Aujourd'hui, c'est une espèce de station balnéaire de luxe. À l'époque, c'est une autre de ce qu'on appelle les escales de l'Atlantique, qui sont donc ces lieux, ces stations de ravitaillement sur la route des vents, qui est la volte de l'Atlantique. Donc ils font une première escale à Fernando de Noronha, où ils débarquent tous les Portugais, et ils les abandonnent. Donc 340 et quelques personnes sont littéralement abandonnées. Alors les Portugais crient dans leur rapport officiel qu'on les a abandonnés sans rien, avec juste un baril de mille, à peine de quoi boire, etc., etc. En fait, ils s'en sont plutôt bien sortis parce que le fait est que les Hollandais, les charpentiers qui étaient à bord des bateaux hollandais, les ont aidés à construire des embarcations de fortune et ils ont gagné très rapidement les côtes du Brésil et ils sont allés à Pernambouco. Pernambouc, à l'époque, était une colonie portugaise. Il y avait un gouverneur, Diogo Botelho, et à partir de là, ils sont rentrés donc au Portugal. Donc, finalement, ça s'est plutôt bien fini pour les Portugais. Donc on débarque tous les Portugais ici, on les abandonne, et ensuite on rentre donc jusqu'en Zélande, qui est la province de Hollande, et la province de Zélande qui forme en gros les Pays-Bas insurgés contre les Espagnols. Et à l'arrivée, pour aller vite, on vend la cargaison de la Chao Thiago, de cette caraque portugaise, aux enchères. Ça rapporte une somme phénoménale, 1 500 000 florins. Il faudrait presque multiplier par 10 pour avoir l'équivalent en euros contemporains. On est au-delà de dizaines de millions d'euros, uniquement pour la cargaison, musc, porcelaine, ambre, etc. Et en plus, on démonte entièrement la caraque et on vend le bois, la ferraille, les voiles, les cordages, etc. Ça rapporte 400 000 florins de plus. Alors, je signale simplement que la vente de la cargaison de la Chao Thiago, c'est aussi probablement un des plus grands événements diplomatiques du début du XVIIe siècle. Parce que c'est à cause de cette affaire-là, et à cause d'autres affaires du même genre, c'est-à-dire en gros les Hollandais qui capturent et pillent les vaisseaux des Espagnols ou des Portugais, que pour la première fois les juristes, et en particulier Hugo Grotius, vont se pencher sur la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une souveraineté au loin. Donc le De jure praedae, un traité sur le droit de la prise. Le droit de la prise, ça veut dire, la prise à l'époque, ça désignait la capture et le pillage. Donc le De jure praedae, qui est rédigé dans sa version finale par Grotius en 1609, en fait, est une réponse des Hollandais aux accusations des Portugais, des Espagnols et d'autres, vous le verrez, à la question de la légalité donc de ces captures. Et deux affaires inspirent directement le De jure praedei, qui va devenir un des traités de droit, entre guillemets, maritime et international les plus importants pour les deux siècles à venir. Hein. Donc les deux affaires qui inspirent le Consus, c'est la prise de la Carac Santa Catarina en 1603 et la prise de la Chautauqua en 1602. Donc ce minuscule événement au beau milieu de nulle part, au beau milieu de l'Atlantique, va donner naissance. Pourquoi ? Parce que Grotius, en fait, est à l'époque l'avocat de la Compagnie des Indes hollandaise, la VOC. C'est une compagnie qui a le monopole du commerce entre les Pays-Bas et l'Asie. Et la VOC a été créée en 1602. Donc l'affaire de 1602 de la Chautauqua, c'est deux mois après la création de la VOC, ça fait désordre. Les Hollandais créent une grande compagnie, alors sous le patronage voilà, de toutes les autorités d'Amsterdam, sous le patronage du Stadhouder, c'est-à-dire du souverain, Maurice de Nassau, etc. Tout ça est très légal, voire légaliste. La VOC, c'est véritablement des contrats, du papier, etc. Et puis deux mois après, il y a concrètement, en gros, le plus gros braquage de galions portugais de l'histoire des relations entre les Hollandais et la puissance hispanique. Et c'est pour ça que Grotius rédige la première version du De jure praedei. Alors pourquoi c'est aussi un événement diplomatique fondamental ? C'est à cause de cet Italien, Francesco Carletti. Parce que Carletti, lorsque les Hollandais donc, s'emparent de la carac du bateau portugais, Carletti tout de suite lève les mains et dit « Moi je n'ai absolument rien à voir avec ça, je ne suis pas portugais, je ne suis pas espagnol, je ne suis pas le sujet de puissances ennemies des Provinces-Unies, moi je suis un sujet du grand-duc Ferdinand de Livourne, donc grand-duc de Toscane, Livourne était le grand port toscan de commerce, et donc en gros, moi ce qui m'appartient dans la cargaison, quand on arrive aux Pays-Bas, vous me le rendez, ça n'a absolument rien à voir avec vos histoires de guerre les uns avec les autres. » Alors les Hollandais sont assez gentils parce qu'ils n'abandonnent pas Francesco Carletti sur l'îlot Fernando de Noronha, ils le ramènent aux Pays-Bas, dans les Provinces-Unies. Simplement, une fois arrivé là-bas, on lui explique gentiment qu'une prise est une prise, c'est-à-dire qu'il y a une définition légale de la prise comme butin de guerre, et qu'on ne va pas commencer à savoir quel est le sac de poivre ou le colis de porcelaine qui lui appartient. On vend tout et il portera plainte si ça lui chante. Le fait est que Carletti va porter plainte. Et Carletti va même porter plainte pendant 5 ans. C'est un procès, c'est le plus gros procès diplomatico-commercial du XVIIe siècle, l'affaire Carletti. Ça a l'air de rien comme ça. Pourquoi ? Parce que Carletti se plaint auprès du grand-duc de Toscane, Ferdinand Ier. Ferdinand Ier écrit à son homologue, Maurice de Nassau, le souverain des Provinces-Unies. Maurice de Nassau dit « Mais je n'ai aucune autorité, moi, sur cette compagnie commerciale, puisqu'elle dépend de chambres régionales. Vous écrirez donc aux chambres régionales de la VOC en Zélande et en Hollande. Les chambres régionales de la VOC disent « Nous n'avons aucune autorité là-dessus, il faut voir les amirautés, etc. etc. » Une espèce de cascade complexe de souveraineté. Carletti s'énerve et Carletti demande au grand-duc de Toscane d'intervenir de manière un peu plus musclée. Le grand-duc de Toscane demande à Henri IV d'intervenir. Henri IV met son ambassadeur à Amsterdam à la disposition de Carletti. Cet ambassadeur, c'est Monsieur de Buzenval, l'un des plus grands diplomates du début du XVIIe siècle, puisque à l'époque, vous savez, la relation entre la France d'Henri IV et les Pays-Bas réformés, protestants, c'est un enjeu considérable. Est-ce qu'il y a alliance contre les Espagnols ou pas ? Et c'est Monsieur de Buzenval, seigneur Paul de Choart, qui est en charge de gérer toute cette haute diplomatie à Amsterdam. Et donc Buzenval, sur les ordres d'Henri IV, contacté par Ferdinand Ier, va rencontrer Maurice de Nassau, etc., etc. Et ça provoque une espèce de crise diplomatique disproportionnée par rapport à Carletti, qui est un marchand, lui, qui demande simplement qu'on lui rende ses sacs de poivre, etc. Et ça provoque un véritable esclandre diplomatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Maurice de Nassau doit intervenir par lettre royale pour signifier et à Henri IV et donc au grand-duc de Toscane qu'on va arrêter l'affaire, qu'on proposera une compensation à Carletti. Et au bout de 5 ans de procédures incroyablement compliquées, qui ont suscité des centaines de dépêches diplomatiques, confidentielles, etc., Carletti accepte un règlement à l'amiable, il ne sera jamais totalement remboursé de sa cargaison. Donc voilà à nouveau comment un tout petit événement, la prise de la Chautauqua, devient une affaire diplomatique colossale au début du XVIIe siècle, parce qu'on est à l'époque en Europe dans une situation de transition extrêmement complexe, où on ne sait plus trop, pour aller vite, où est le lieu des souverainetés légales. C'est-à-dire qu'on a un système impérial en fragmentation, en voie de dissolution. Système impérial, c'est une grammaire de relations d'autorité complexes entre un empereur, des grands électeurs, des princes, des ducs, etc. Tout ça est en train de s'effondrer dans le brasier des guerres des Flandres. On n'a pas encore de monarchie telle qu'elles apparaîtront dans les années 1650. Et dans les Provinces-Unies, on ne sait même pas ce qu'on a. Parce qu'on a un souverain, mais qui n'est pas un roi. Maurice de Nassau est littéralement ce qu'on appelle à l'époque un Stadhouder, porteur de la puissance publique. Et en fait, il doit en permanence négocier avec les guildes, la puissance des cités, Amsterdam, la Zélande, etc. Pour aller vite, il est en train de s'inventer dans les Provinces-Unies au début du XVIIe siècle, ce qui va devenir le modèle républicain des années 1650. Donc vous voyez, c'est un monde qui est incroyablement fragmenté, et du coup, toutes les tentatives des juristes comme Grotius d'utiliser les affaires des Indes pour stabiliser un nouveau langage de la souveraineté terrestre et maritime, une nouvelle grammaire des relations d'autorité entre tous ces différents acteurs, témoigne d'une situation qui est extrêmement fragmentée à l'époque. Ça, je le rappelle aussi, parce qu'on a toujours l'idée d'une espèce d'Europe triomphante et unie, un grand pouvoir hispanique lancé à l'assaut du monde, etc., et qui aurait triomphé du reste du monde parce que partout ailleurs, ça aurait été très fragmenté. Il y aurait eu des petites unités politiques, rivales, etc. Bon, l'Europe à l'époque, c'est la même chose. L'Europe à l'époque, c'est à peu près 250 entités politiques. Principautés germaniques, duchés, etc. Donc ça, pour l'instant, ce que je vous ai raconté, c'est, disons, le versant européen de l'histoire de cette caraque portugaise aux prises donc avec les Hollandais. Évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de vous raconter parler d'un autre versant de l'histoire. Comme je vous l'ai dit, ces vaisseaux hollandais, les trois bateaux hollandais, deux de ces bateaux viennent d'Aceh. Aceh, qui est un sultanat situé sur l'île de Sumatra. C'est un sultanat qui, depuis un demi-siècle, est en phase d'expansion. C'est-à-dire qu'Aceh, qui au départ est plutôt localisé donc, véritablement à la pointe de la péninsule, a conquis peu à peu les côtes de Sumatra. Et Aceh est le principal ennemi des Portugais en Asie. Parce que juste en face d'Aceh, sultanat, dirigé bon, à l'époque par le sultan Alaoddin Riayatcha, il y a Malacca, qui est une ville portugaise et qui est d'une certaine manière la dernière ville portugaise en Asie. Après, Macao, qui est située à l'entrée donc, de la Chine impériale, n'est même pas une forteresse. Macao est une espèce d'enclave sous régime spécial, tolérée par les autorités japonaises. Et puis après, pour trouver une implantation européenne, c'est Manille. Et Manille, qui en fait est beaucoup moins en correspondance avec l'Asie qu'en correspondance avec les Amériques. C'est le grand navire de traite, Manille, Acapulco, etc. Donc Malacca, c'est un peu la dernière enclave européenne et en espèce portugaise en Asie, donc aux portes de l'insulane de l'Asie du Sud-Est. Elle est située donc le long du détroit du même nom, le détroit de Malacca. Le problème de Malacca, qui est une ville qui a été conquise par les Portugais en 1511, c'est qu'en face, il y a le sultanat d'Aceh, et que, en gros, c'est une histoire de guerre perpétuelle. Le sultan d'Aceh n'a qu'une envie, c'est évidemment de soumettre Malacca, et les Portugais n'ont qu'une envie, c'est de soumettre le sultanat d'Aceh, mais enfin là, pour le coup, ils n'ont pas les forces nécessaires. Donc ces deux bateaux hollandais qui donc, se rencontrent avec la Chao Thiago en mars 1602 à Sainte-Hélène, reviennent du sultanat d'Aceh, où ils ont été plutôt bien accueillis, parce que leur grand argument vis-à-vis du sultan d'Aceh, c'est précisément de dire « vous avez des problèmes avec les Portugais, nous c'est la même chose, nous avons un ennemi commun ». Et à tel point qu'ils ont fait rédiger par Maurice de Nassau, le souverain des Provinces-Unies, des lettres en portugais et en espagnol, dans lesquelles il est dit que l'ennemi commun du sultan d'Aceh et du Stadhouder Maurice de Nassau, c'est l'empire de Philippe III, etc., etc. Donc ils ont été finalement plutôt bien accueillis par le sultan d'Aceh, qui effectivement ne crache pas sur un secours ou au moins une neutralité bienveillante de la part d'autres acteurs dans sa guerre contre les Portugais. Et ils ont été tellement bien accueillis, donc ils ont acheté du poivre, comme font tous les commerçants européens à l'époque qui se rendent à Sumatra ou à Java. Ils ont négocié du poivre, ils ont chargé du poivre. Et ils ont été tellement bien accueillis que ils ont eu une ambassade. C'est la première ambassade officielle de l'Asie du Sud-Est vers l'Europe. Une ambassade qui est composée de trois hommes. Mir Hassan, le Sri Mohammad, j'écris mal, on s'en fout en fait. Et un troisième homme, Abdul Zamat, mais qui va mourir en fait à l'arrivée donc en Hollande. Donc sur ces bateaux hollandais, en plus du poivre d'Aceh, il y a aussi deux émissaires officiels, deux ambassadeurs du sultan d'Aceh, qui s'en vont rencontrer les Hollandais pour discuter alliance possible dans la guerre contre les Portugais, et en particulier les Portugais de Malacca. Et donc ces deux ambassadeurs vont se rendre aux Pays-Bas. Donc déjà en soi, l'histoire est assez étonnante. Il faut imaginer deux ambassadeurs du sultan d'Aceh se trouvant à bord de navires hollandais qui vont littéralement capturer, piller un navire portugais, faire des tours par les côtes du Brésil et regagner, via les Açores, etc., l'Europe du Nord. Dans l'image que pouvaient avoir les souverains d'insulanes de ce qu'était l'Europe, là, il y avait des choses qui devenaient quand même relativement compliquées. Et ils arrivent donc en Zélande, dans le port de Middelburg, qui est au sud des Pays-Bas. Ils sont pris en charge par des officiers de la cour de Maurice de Nassau. Maurice de Nassau, qui est donc le Stadhouder des Provinces-Unies. Et ils vont aller rencontrer Maurice de Nassau en audience particulière. Et ils vont aller rencontrer Maurice de Nassau en audience particulière dans une ville du sud des Pays-Bas qui s'appelle Grave, enfin qui s'appelait Grave, parce que Maurice de Nassau à l'époque n'a pas de palais. Maurice de Nassau n'a que des camps militaires. Il est en guerre perpétuelle contre l'armée des Flandres, hein, contre les Espagnols. Et en septembre 1602, quand ces deux émissaires du sultan d'Aceh vont le rencontrer, Maurice de Nassau est en train de faire le siège de la ville de Grave. Il a même jeté toutes ses forces dans la bataille parce que Grave est un peu un des verrous stratégiques de la guerre. C'est-à-dire que si Grave est prise, en fait, les Hollandais cassent la contre-offensive espagnole, qui à l'époque est dirigée par Spinola. Donc Maurice de Nassau joue son va-tout dans le siège de Grave. Il a jeté la totalité des troupes qu'il pouvait rémunérer, plus de 40 000 hommes. Et il y a en face à peu près 60 000 Espagnols, qui sont d'ailleurs aussi des Italiens, etc., des gens, des mercenaires qui ont payé. Voilà. Et donc, en fait, ces deux émissaires du sultan d'Aceh vont le rencontrer dans son campement militaire. C'est une espèce de palais de toile, des tentes immenses. Et Maurice de Nassau tient audience dans l'une de ces tentes du campement militaire. Ils vont passer une semaine dans le campement militaire. Et d'ailleurs, Maurice de Nassau, qui est un souverain extrêmement moderne et modernisateur. On dit tout le temps que c'est Maurice de Nassau qui invente la guerre moderne. C'est-à-dire qu'il invente des dispositifs de siège, il invente la technique qu'on appelle du feu de salve, qui est cette espèce de feu tournant de mousquet, vous savez, les soldats qui se retirent, la deuxième ligne avance, etc. Il invente des tas de machines de guerre très compliquées, il va créer la première académie militaire, il va créer des régiments de cavalerie, etc. Il sera imité par la plupart des pouvoirs européens dans les années 1610-1630. Donc Maurice de Nassau est très fier de la manière dont il fait la guerre, et pendant une semaine, il va montrer toutes ses innovations aux deux ambassadeurs venus d'Aceh. Et il y a même un moment assez extraordinaire dans le récit officiel de cette ambassade, d'un chroniqueur qui s'appelle Emmanuel van Meteren, qui est en fait le chroniqueur de Maurice de Nassau. C'est ce qu'on appelle à l'époque un historiographe. Et qu'à l'époque, ceux qui vont devenir les historiens se divisent, pour aller vite, en deux groupes. Il y a les antiquaires. Les antiquaires sont des gens qui, en gros, critiquent les textes anciens en utilisant d'autres traces matérielles. Les antiquaires collectionnent les monnaies, déchiffrent des inscriptions antiques pour aller chercher noise à Tacite, à Polybe, à Thucydide, etc. Et puis il y a les historiographes. Donc les antiquaires, comme dit Carlo Ginzburg, sont un peu les précurseurs de l'historien redresseur de tort. Pardon. Et puis il y a un autre groupe qui s'appelle les historiographes, c'est le titre officiel de leur charge, qui eux sont au service des souverains, sont payés par les souverains pour écrire la chronique, alors de préférence glorieuse, de leur règne. Et donc il y a des historiographes, il y a un historiographe, je ne sais pas moi, du Hainaut, il y a un historiographe de la cour de Ferdinand Ier en Toscane, et puis il y a un historiographe du Stadhouder Maurice de Nassau, qui est Emmanuel van Meteren, qui a publié une énorme chronique, qui couvre toute la période jusqu'en 1608. Et Meteren est dans le camp du Stadhouder Maurice de Nassau le jour où cette ambassade venue d'Aceh, hein, littéralement de l'autre bout du monde, vient, présente ses hommages à Maurice de Nassau, lui offre les cadeaux que lui envoie le sultan d'Aceh. Il y a des plats finement ciselés d'or et d'argent. Il y avait deux perroquets et qui étaient censés parler malais. C'est-à-dire qu'on avait appris aux perroquets à déclamer des politesses à l'égard de Maurice de Nassau. Malheureusement, les deux volatiles ont péri en mer. ont été mangés. Ce n'était pas totalement impossible à l'époque lors des grandes traversées. Enfin, il reste des cadeaux de prix. On lui offre de l'ambre et du musc, qui à l'époque coûte littéralement une fortune en Europe. Et puis des lettres du sultan d'Aché qui sont tout aussi finalement plates hein, que celles qu'avait envoyées Maurice de Nassau, c'est-à-dire « Ô très cher frère, grand souverain, que la paix et la bienveillance de Allah soient sur vous, nous avons un ennemi commun, vos marchands seront toujours bienvenus en nos ports, etc. etc. » Donc, tout ça n'engage pas non plus à grand-chose. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où je veux en venir, c'est que nous n'avons pas de récit de la part de ces deux ambassadeurs, donc de récit en malais, qui est à l'époque la langue parlée dans l'essentiel de ces sociétés d'Insulinde, qui soit le pendant exact, par exemple, de la chronique de Méterène. Méterène est une chronique vraiment très claire. Alors, ça vous déboussolerait probablement si vous la lisiez, parce que, par exemple, à l'époque, chronique ne veut pas dire séquençage chronologique. Méterène, ce n'est pas 5 janvier, 12 janvier, 14 janvier. À l'époque, la chronique ordonne les faits par paquet. Hein. Et c'est-à-dire qu'une histoire qui commence en mars et qui se finit en septembre, on va prendre 10 pages pour la raconter avant de revenir au mois de mars, etc. Donc ça n'est pas le format disons, chronologique auquel nous sommes accoutumés aujourd'hui. C'est un texte qui, pour ça, peut être un peu déstabilisant. Mais en tout cas, Van Meteren décrit la manière dont les ambassadeurs arrivent, sont accueillis, remettent très cérémoniellement, dit-il, hein, à genoux les lettres du sultan d'Aché à Maurice de Nassau, lui offrent les présents, etc. Et nous n'avons pas d'équivalent, le texte a peut-être existé, un rapport de mission de ces deux ambassadeurs. Le fait est que nous ne l'avons jamais retrouvé, très probablement disparu. Les archives d'Aché du XVIIe sont en portion congrue. En revanche, on sait, alors là, je vous passe le détail, mais en recoupant tout un ensemble de récits, notamment ceux d'un navigateur français dans les années 1610, que l'un au moins de ces deux ambassadeurs a réussi à rentrer à Aché. Est arrivé probablement fin 1603, début 1604. Et c'est donc après la visite au Statuder, hein, on les ramène à Amsterdam, et puis hop, on les fait repartir. Alors ils arrivent à Amsterdam fin 1602, c'est la pleine épidémie de peste. Donc déjà, ils survivent à la peste d'Amsterdam, qui est une des grandes pestes du début du XVIIe siècle. Ils prennent un bateau, et alors vraiment quand même, il faut dire qu'à l'époque, on mourait beaucoup, hein, à peu près 40% de morts dans un voyage de cette envergure. L'un des deux survit parce que ce navigateur français le rencontre aux Maldives. Ils se croisent aux Maldives, et un autre navigateur britannique cette fois, 2 ans plus tard, dit que lorsque lui arrive à Aché, on met à sa disposition pour l'accompagner partout dans le sultanat, l'un des émissaires qui avait été envoyé auprès du souverain des Provinces-Unies. Voilà. Donc on sait qu'en tout cas, même s'ils n'ont pas laissé de rapport, l'un au moins est rentré à Aché. Et alors évidemment, on est là typiquement devant le problème de la dissymétrie documentaire lorsqu'on écrit ce type d'histoire. Vous pouvez appeler global, ou de connexion à longue distance, ou etc. On a une archive européenne qui est prolifique. On a une archive hispanique, on a une archive portugaise, on a des textes hollandais, on a des correspondances, y compris diplomatiques françaises, toscanes. Donc pour toute cette partie, disons, européenne de l'histoire, on a quantité de documentation. En revanche, donc, on n'a pas de texte de ces deux ambassadeurs venus d'Aché. La question est, bon, bah, est-ce qu'on s'arrête là? Après tout, s'il n'y a pas de documentation, on ne peut pas l'inventer non plus. Ou est-ce qu'on peut tout de même essayer de faire un peu différemment? Et par exemple, se poser des questions très simples. Nous n'avons pas de texte de ces deux ambassadeurs, mais qu'est-ce que c'était qu'un ambassadeur à l'époque en monde malais? Comment était pensé hein, le rôle, la fonction, la charge d'ambassadeur? Est-ce qu'il y avait des manuels de diplomatie en monde malais à l'époque, etc.? Et alors, quand on commence à poser ce type de questions, on va trouver beaucoup de textes. Et par exemple, on va trouver, bon, pas tous vous les énumérer, mais un texte malais extrêmement important et très exactement contemporain de cette ambassade. Un texte s'appelle le Tajus Salatin. La couronne des rois. C'est un texte rédigé en 1603 par un certain Al-Bukhari. Et c'est un texte qui est rédigé soit à Aché, ici, soit à Johor. Donc très exactement contemporain de cette ambassade du sultan d'Aché aux Provinces-Unies, et rédigé, soit sur place, entre guillemets, c'est-à-dire à Aché, soit à Johor, qui étaient en fait deux États qui avaient de vieilles relations généalogiques, diplomatiques, etc. Alors, le Tajus Salatin, qui est un texte d'ailleurs qui n'a jamais été traduit intégralement en français depuis la fin du XIXe siècle, où les orientalistes en avaient proposé une version un peu édulcorée. Le problème des orientalistes, c'est quand ils ont traduit les textes malais à la fin du XIXe siècle, grands orientalistes français comme Du Laurier, c'est qu'en fait, ils enlevaient systématiquement l'ensemble des mots arabes. en disant que l'intérêt c'était le texte malais, donc toutes les citations du Coran, toutes les références au canoun, à la charia, à la sunna, etc., on a enlevé. Ce qui évidemment est une mutilation totale des textes. Donc par exemple, le Tadjus Salatin, depuis sa traduction, je crois en 1868, n'a jamais été retraduit intégralement en langues européennes. Je le dis parce que ça explique aussi pourquoi ces sources sont jamais mobilisées par les gens qui, par ailleurs, nous écrivent toutes ces histoires de Karak en utilisant la documentation européenne. En revanche, ce texte a connu plusieurs éditions critiques intégrales en malais, hein, standardisées, romanisées, etc. Donc c'est un texte assez facile d'accès aujourd'hui. Bon, sauf qu'il y a plein de versions, tout ça, mais c'est toujours pareil, ça peut être un peu compliqué. Si on lit le Tadjus Salatin, pour aller vite, c'est un traité de bon gouvernement, ce qu'on appelle à l'époque un miroir au prince. Dans la tradition indo-persane, c'est la tradition à la fois moghole et persane, c'est ce type de texte que les érudits écrivent pour que les princes comprennent, comme dans un miroir, hein, les erreurs à ne pas commettre. C'est le miroir des vices du souverain. Et donc c'est en gros un manuel à l'attention des princes. Comment être un bon prince? Comment être un bon souverain? Un juste souverain? Aimé de son peuple, chéri de Allah, etc. Il y a 26 chapitres qui épellent toutes ces obligations. C'est une théorie assez complexe d'ailleurs des arts de la justice. Qu'est-ce que c'est que rendre la justice? Qu'est-ce que c'est que l'équité? Le rapport entre l'équité comme notion abstraite et la capacité personnelle de vertu, l'isan, etc. Et puis il y a un chapitre entier qui s'appelle « Du devoir et du métier des ambassadeurs » ou « Toussan », littéralement « les envoyés ». Et qui est un chapitre qui décrit alors essentiellement les protocoles, à quoi ont droit les ambassadeurs, comment ils s'habillent, quel type de vêtements d'apparat, d'insignes ils ont le droit de porter, etc. Et c'est un texte, alors je peux vous le donner un petit extrait, ça vous donne une idée de la tonalité de ce texte. Et puis j'ai plus trop parlé. Voilà, je vous donne un extrait par exemple de ce chapitre sur les devoirs des ambassadeurs. Alors, il faut que l'envoyé ou ambassadeur soit bien fait de sa personne, que sa langue soit éloquente, que ses paroles soient douces et persuasives, que ses explications soient exactes et claires le sens de ses paroles. Il faut qu'il soit savant, sage, intelligent, judicieux dans le choix de ses mots, capable de comprendre la totalité des discours qu'il entend. Il faut qu'il soit droit dans ses actes, sobre de paroles et riche de pensées, dépourvu d'avidité, ferme dans sa religion et de mœurs irréprochables. Car un ambassadeur remplace les yeux, les oreilles et la langue de son roi, c'est par lui que l'on connaît l'esprit et les paroles du roi dont il est l'envoyé. Donc si vous pensez au traité de l'art diplomatique publié en Europe de l'Ouest au début du XVIIe siècle, notamment en France et en Grande-Bretagne, vous avez exactement le même style d'argumentaire. Par exemple, cette formule, il faut qu'il soit les yeux, les oreilles, etc. de son souverain, vous la retrouveriez telle quelle dans un traité très exactement contemporain, 1602, de James Segal, qui est en fait un des scribes de la chancellerie de la reine Élisabeth et qui s'appelle « Des pouvoirs civils et militaires » où il y a un chapitre sur les ambassadeurs. Pour vous indiquer que en fait, ce langage, qui est un langage en fait déjà très standardisé dans les réseaux à longue distance. Alors ça, c'est la partie sympa du texte, on pourrait dire. Un ambassadeur, voilà, il faut qu'il soit précis, gentil, beau, etc. Mais la deuxième partie du texte, donc du Tadjus Salatin, c'est un avertissement, et pas le moindre des avertissements. C'est une anecdote qui concerne Alexandre le Grand, justement. Et Alexandre le Grand, donc, qui est en guerre perpétuelle, pendant du moins... Enfin, grande partie de sa vie, avec Darius, hein, l'empereur perse. Et un jour, Alexandre envoie un ambassadeur auprès de Darius. Darius qui est à la fois, si vous lisez les légendes d'Alexandre, l'ennemi suprême d'Alexandre, hein, et puis une sorte de double idéal d'Alexandre. C'est-à-dire qu'Alexandre a beaucoup de respect pour le grand roi des Perses. Hein. Et en gros, Alexandre, c'est devenir calife perse à la place du calife perse. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'épopée d'Alexandre, ce sera conquérir le pouvoir sassanide et se glisser dans les habits du pouvoir perse. Hein. Et donc, il y a une admiration d'Alexandre pour Darius, qu'on retrouve dans toutes les grandes légendes alexandrines. Et donc Alexandre envoie un jour un ambassadeur auprès de Darius, et cet ambassadeur, on ne sait même pas qui c'est, d'ailleurs son nom n'est pas donné, arrive à la cour de Darius, donc à la cour du grand roi des Perses, et au bout d'une semaine estime qu'il est très maltraité par les Perses. Il estime qu'on ne lui montre pas assez d'attention, qu'on ne lui donne pas des nourritures assez riches, qu'on ne lui donne pas des présents assez précieux, etc. Et donc, il s'en revient auprès d'Alexandre, il fait rapport de ce que lui a dit Darius à l'attention d'Alexandre, simplement comme il a cette dent contre les Perses qui, d'après lui, ne lui ont pas montré suffisamment de respect, il modifie totalement le discours de Darius, et notamment il impute des expressions un peu vulgaires à Darius. Alors Alexandre entend le rapport de son ambassadeur, et interrompt son ambassadeur et lui dit « Mais enfin, comment ? Comment un grand roi comme Darius peut-il s'abaisser aux écarts de langage que tu me rapportes ?» Donc Alexandre n'est pas convaincu par la fiabilité du rapport de son ambassadeur. Il envoie un deuxième ambassadeur auprès de Darius pour vérifier à la source les propos. Le deuxième ambassadeur revient et dit à Alexandre « Non, non, le grand roi n'a absolument pas dit ça. » Et alors Alexandre fait ce qu'on fait à l'époque, avec tous les gens qui d'une façon ou d'une autre ont trahi, c'est-à-dire qu'il lui fait couper la langue, il l'empale en place publique, il fait maudire sa lignée, détruire sa maison, etc., raser ses vergers, etc. Et donc vous voyez l'avertissement assez clair, c'est pas seulement l'aspect sympathique, vous êtes les yeux, les oreilles, etc., c'est qu'un ambassadeur qui trahit, c'est un crime de lèse-majesté et un crime de trahison politique au plus haut point. Donc vous voyez, on ne sait pas ce que ces deux ambassadeurs venus de Sumatra ont dit et pensé de leur voyage, mais enfin, on peut, grâce à ce texte, savoir à peu près la pression qui était la leur, puisque, à l'époque, les contacts avec l'Europe sont récents, donc les gens du monde malais ne parlent aucun mot de hollandais, et les Hollandais ne parlent pas encore malais. Assez rapidement, ils vont d'ailleurs s'y mettre. Et donc, ces deux ambassadeurs qui sont nourris de récits dans lesquels on leur dit « si vous trahissez les paroles de votre souverain ou du souverain auprès de qui vous allez, on vous empale en place publique », ne maîtrisant pas un mot de la langue locale, ne devait pas être non plus dans une situation d'aise particulière. Alors je passe, il y a une autre chose extrêmement intéressante, c'est que dans les récits européens, dans la chronique de Van Meteren notamment, il est dit qu'en fait, lorsque les ambassadeurs de Sumatra se présentent devant Maurice de Nassau, il déploie une espèce de cérémonial invraisemblable, c'est-à-dire qu'il s'avance tête baissée à main jointe, il s'incline trois fois, il se met littéralement les bras en croix sur le sol et il tend les lettres du souverain, les lettres du sultan d'Aceh, enveloppées dans un drap d'argent cousu de fil d'or, tête baissée, etc. Et alors le texte de Van Meteren dit c'est tellement cérémoniel que l'entourage du Stadthouder en est décontenancé. Et donc il y a un officier qui immédiatement se précipite sur les ambassadeurs, les redresse, etc. Et il faut savoir que Maurice de Nassau, comme je vous l'ai dit, c'était un souverain en guerre permanente. Il ne faut pas imaginer un roi vivant dans un palais raffiné, etc. Quand même un type qui passait son temps à cheval, à festoyer, à banqueter, etc. Donc ce n'est pas la royauté la plus raffinée d'Europe à l'époque. Donc quand il voit ces ambassadeurs venus des Indes, tout à fait déférents, etc., et alors là, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, on voit que tout le comportement très précautionneux des ambassadeurs s'organise autour des lettres qu'ils vont délivrer. C'est-à-dire que les lettres du sultan sont véritablement considérées, pour aller vite, comme étant une incarnation physique de la souveraineté. Et alors, j'ai pas le temps de vous faire la démonstration, mais il y a dans beaucoup de sources malaises de l'époque, c'est Jalam Layou, qui est la grande histoire des Malais, une grande chronique du monde malais, qui est rédigée en 1612, dans d'autres textes plus anciens, comme les Undang Undang Malacca, qui sont les lois du sultanat de Malacca, il y a des chapitres entiers qui sont consacrés aux lettres royales. Et c'en est même étonnant, c'est-à-dire que dans ce texte, l'histoire des Malais, la Sejaram et Layou, lorsqu'on décrit une ambassade, le sultan de Malacca, par exemple, envoie une ambassade auprès du sultan de Johor ou du sultan de tel autre pays, on décrit le trajet des lettres et non pas le trajet des hommes. C'est-à-dire que, par exemple, on dit donc le sultan ordonne qu'une ambassade soit envoyée, il ordonne la confection d'une lettre, donc il dicte à un scribe, qui est généralement un héros avec un certain rang dans la cour, le contenu de la lettre, et la lettre est convoyée sur le bateau part, etc. Et donc en fait, le corps physique des ambassadeurs disparaît littéralement, c'est le trajet de la lettre qu'on suit. Et alors à l'arrivée, il y a des protocoles particuliers en fonction du type de lettre, c'est-à-dire que si on considère que c'est un pays de rang égal, on envoie un éléphant royal accompagné de chevaliers chercher la lettre donc au pied de la passerelle du bateau qui a convoyé les ambassadeurs, et après l'éléphant se dirige vers le palais en fanfare, on fait sonner les tambours de souveraineté, il a droit à des petites ombrelles cérémonielles qui sont des marqueurs de statut, et l'éléphant par exemple rentre dans l'enceinte du palais. Si c'est un pays de plus petit statut, un pays qu'on considère feudataire ou tributaire, par exemple, l'éléphant n'a pas le droit de rentrer dans l'enceinte du palais. On oblige l'éléphant à mettre un genou à terre, hein, à l'entrée du palais. Et là, on débarque la lettre et on la convoie à pied. Il n'a pas droit à deux ombrelles blanches, mais à une ombrelle rouge et une ombrelle blanche, etc., etc. Donc je vous passe la démonstration parce que il y a tellement de règles protocolaires, de règles d'étiquette qui entourent la question du trajet des lettres royales, qu'on voit bien qu'il se joue là quelque chose d'autre que simplement l'idée qu'un roi écrit à un autre. Il y a l'idée qu'une lettre, pour des questions compliquées de ce que l'écrit signifie et fixe des souverainetés à l'époque en monde malais, il y a l'idée que la lettre est littéralement une partie, alors sinon du corps du souverain, au moins du corps du souverain dans le sens classique de Kantorowicz, c'est-à-dire de sa souveraineté. Et donc ce comportement qui décontenance les Hollandais, d'ambassadeurs qui sont littéralement prostrés devant la lettre de leur sultan, s'explique en fait par tout un ensemble de textes qui montrent que la lettre est un des marqueurs ou des traceurs de souveraineté, de la relation de souveraineté le plus important au monde malais à l'époque. Il faut que j'en vienne à la conclusion. Voilà, donc bon, je vais pas continuer, simplement ce que je voulais vous montrer, c'est deux choses. Hein. D'abord qu'à partir d'un micro-événement, on peut soulever tout un ensemble de questions qui sont les questions que, peu ou prou, l'histoire globale, l'histoire des premières mondialisations, etc., a tendance à traiter en termes excessivement abstraits. Autrement dit, on peut faire de l'histoire globale ou de l'histoire des connexions à longue distance à très petite échelle. À très petite échelle ou à très petite focale d'analyse. Ce n'est pas forcément d'une variation d'échelle, mais en tout cas d'un cadrage, hein, de la focale un peu différent. Et puis deuxièmement, même dans une situation d'asymétrie documentaire constituée, où l'on n'a pas de documents extra-européens, en l'espèce malais ou javanais ou hachiyé, de même nature, de même type que les documents européens, ça ne signifie pas la fin de l'enquête. Et je vais essayer très rapidement de vous dire pourquoi. C'est que, là, j'ai cité deux textes, le Tadjus Salatine, la Sejara Melayu, il y en a beaucoup d'autres. Il y a une bibliothèque de textes malais et javanais pour cette période, 16e et 17e siècle, qui est conséquente. Il ne s'agit pas de fragments de textes, il s'agit de textes longs, parfois de plusieurs centaines de feuillets. Il y a une bibliothèque conséquente, et le plus étonnant est que si on feuillette cette bibliothèque malaise et javanaise, à une époque où les Européens, si on les en croit, si on croit ce que les Européens disent d'eux-mêmes, à une époque donc où les Européens deviennent de plus en plus présents en Asie, ces textes n'en parlent à peu près jamais. Le Tadjus Salatine, rédigé en 1602, alors les Portugais sont quand même là depuis un siècle, ils sont là depuis un siècle, ils ont fait quand même pas mal de dégâts dans la région, ils ont conquis Malacca, qui est le principal ennemi d'Aceh sur l'autre rive du détroit, etc., etc. Le Tadjus Salatine, qui est un texte profondément politique, traité de bon gouvernement, etc., ne mentionne jamais les Portugais. Il y a peut-être une allusion à un moment assez amusante, c'est qu'il y a un chapitre de physiognomonie, qui est considéré comme un art de gouvernement, l'art de lire les traits des visages pour interpréter le tempérament, et qui dit qu'en gros, quand on a un gros nez rouge et de cheveux blonds, on est satanique, idiot, voué à l'échec, pusillanime, etc. On peut y voir une petite allusion déguisée donc aux Européens. Mais à part ça, le Tadjus Salatine est un texte qui nous montre un monde malais totalement préservé de la question du rapport ou du contact avec les Européens. Et ce n'est pas un cas isolé. Même la Sejara Melayu, l'histoire des Malais, il y a un chapitre entier qui raconte la capture de Malacca par les Portugais, mais c'est un chapitre sur 30. Et les 29 autres chapitres de la Sejara Melayu parlent de tas de choses, des relations de Malacca avec des feudataires, des tributaires. Alors, il y a beaucoup de choses, des histoires de princesses enlevées, royaumes conquis, royaumes fondés dans la jungle, etc., etc. Et ces 29 autres chapitres ne parlent pas des Portugais. Autrement dit, si vous prenez d'un côté la chronique de Van Meteren, qui lui décrit vraiment, avec une espèce de minutie de détail maniaque, les premiers échanges avec ces souverainetés asiatiques. Et puis de l'autre côté des textes, alors non seulement malais ou javanais, mais pourquoi pas mogols, coréens, japonais, etc. Ces textes ne parlent pas du contact avec les Européens. C'est-à-dire que la question de la dissymétrie documentaire est légèrement plus complexe que le fait qu'on n'ait pas de textes qui disent la même chose. Il faut partir au contraire de l'idée qu'on a deux ensembles de textes. Une archive européenne de la rencontre impériale qui fait de celle-ci un événement décisif. Et une archive extra-européenne, malaise, javanaise, mogole, etc., très exactement contemporaine de cette archive européenne, qui, elle, ne fait pas de la venue des Européens un événement digne d'importance, d'intérêt et de narration. Je vous donne un autre exemple très classique. La première grande ambassade britannique auprès de la cour du Grand Mogol, c'est l'ambassade de Sir Thomas Roe, R-E-E. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est en 1611 ou 1612, peut-être un peu plus tard. Et il se rend auprès de l'empereur mogol, Jahangir. Et Thomas Roe est un personnage un peu étrange, comme tous les personnages de cette époque. C'est pas vraiment quelqu'un de mandaté par la couronne britannique. C'est pas vraiment un marchand, c'est un type qui joue un peu sur tous les tableaux. Thomas Roe se rend auprès du Grand Mogol, il revient en Grande-Bretagne, hein, en Angleterre, et il publie le récit de son périple auprès du Grand Mogol. Et alors il décrit ça comme l'avènement d'une nouvelle ère diplomatique planétaire, hein, grâce au contact noué entre la reine Elisabeth et le souverain Jahangir. La face du monde en sera changée, sous-entendu un peu grâce à moi, c'est quand même moi qui ai ouvert cette ère, etc. Bref, et c'est un gros succès de librairie. Moi, je dis, première édition 700, deuxième édition 2000, ce qui est énorme à l'époque pour ce type de littérature. Donc, si on en croit Thomas Roe, hein, cet ambassadeur ou pseudo-ambassadeur britannique, l'ambassade qu'il a menée en 1611-1612 auprès de Jahangir, c'est un événement important. Mais si on lit les chroniques mogoles, alors, il y a une chronique, par exemple, du règne de Jahangir, qui s'appelle le Tughluq Jahangiri, et qui est une chronique qui, mois après mois, année après année, détaille des ambassades, des guerres, etc. etc. Il n'est même pas fait mention de l'ambassade de Thomas Roe. Et à mon avis, pour de bonnes raisons. C'est quand même, il s'agit d'un Britannique dépenaillé, venant avec des cadeaux relativement ridicules, sur un bateau, etc. Le problème de l'Empire moghol à l'époque, c'est la relation avec le pouvoir safavide en Iran, la montée en puissance. Les ambassades qu'il reçoit sont les ambassades du pays ottoman, hein, de la porte, etc. Donc là, on traite avec des gens sérieux. Une ambassade ottomane ou une ambassade venue d'Ormuz, c'est pas Sir Thomas Roe avec ses trois lieutenants dépenaillés autour. Hein. Ce sont 50 bateaux, une centaine de personnes, etc. Les ambassades de la Chine impériale, hein, lorsque la Chine impériale envoie des ambassades officielles dans le sous-continent indien, c'est au minimum 500 personnes, si on en croit les chroniques, etc. Alors là, évidemment, là dans les chroniques mogoles, on en parle. Et puis il se négocie des choses extrêmement importantes, de la survie, par exemple, politique, hein, en cas d'invasion chinoise, etc. Alors, bon, un Britannique qui est un marchand, dont on ne sait même pas si véritablement il représente ou pas son souverain qui vient, ça n'est pas un événement pour le pouvoir moghol. Et c'est la même chose pour ce qui est du sultan d'Aché, hein, vis-à-vis des pouvoirs européens. Il y a d'autres textes rédigés à Aché à l'époque, qui sont des textes qui exaltent le souverain, l'Ikayat Aché, l'Adat Aché, qui sont deux textes légèrement plus tardifs, c'est-à-dire de la période 1607-1615. Et donc, à l'époque, Aché passe sa vie à faire la guerre sur mer aux Portugais de Malacca. Hein. Mais ces textes n'évoquent jamais les Portugais, ou les évoquent, alors vraiment en passant, comme des ennemis parmi d'autres. Donc je dis ça parce que, à mon avis, l'un des pièges analytiques d'une histoire à parts égales des situations de rencontre impériale serait de penser que l'événement existe comme un lieu naturel, l'événement du contact, de la connexion, de la rencontre, un espèce de lieu naturel ou de lieu commun qui serait l'événement du contact, et qui suffirait en gros de ratisser plus large les documentations autour. Pas seulement des textes européens, mais aussi des textes malais, des textes javanais. Et on produirait une sorte de lecture kaléidoscopique de la rencontre. Donc on n'aurait pas seulement le regard portugais sur les malais, on aurait aussi, miracle, le regard malais sur les portugais. Dans 99% des cas, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de regard malais sur les portugais. Parce qu'à cette époque, les portugais, ou les européens de façon générale, ne sont pas encore suffisamment puissants pour être jugés dignes d'attention et de narration. Autrement dit, le pari analytique de la mise en récit d'une situation de rencontre impériale, c'est de faire coexister des mondes historiographiques, qui peuvent être par ailleurs semblables, dissemblables, au choix de vos stratégies de comparaison, mais qui ne sont pas réductibles à un monde commun. Autrement dit, le pari d'une histoire à parts égales, c'est un paradoxe. On se dit, après tout, c'est facile. On a la moitié du récit, il suffit de trouver l'autre moitié, en cherchant mieux, etc. L'autre moitié, elle n'existe pas. Donc au milieu, il n'y a rien. Au milieu, il n'y a rien. Il n'y a pas d'événement unique sur lequel on déclinerait des regards, etc. Donc le paradoxe, c'est ça. C'est que, et pourtant, il y a des textes de l'autre côté. Et il faut prendre en compte ces textes, ne serait-ce que pour ce que vous dire ce que je vous ai dit là tout à l'heure, qu'on sait ce que c'est qu'un ambassadeur, comment fonctionne une ambassade, etc., au monde malais à l'époque. Parce que si on n'en fait pas mention en plus, on a l'impression d'une espèce de modernité diplomatique européenne. Alors qu'à l'époque, soyons honnêtes, hein, les rituels des cours européennes, par rapport aux rituels, par exemple, de la réception diplomatique en monde ottoman ou en monde indo-persan, font plutôt un peu... campagnard, rustique. Hein. C'est-à-dire que la grandeur n'est pas là où on s'attend à la trouver. Hein. Donc il faut en faire mention, mais il faut aller plus loin, il faut arriver à tenir dans le récit des mondes historiographiques, des mondes documentaires, qui sont contemporains et qui pour autant ne se répondent pas terme à terme. Voilà, on peut arrêter là, mais tout petit exemple, Mohamed a pensé ça parce que du coup, si vous voulez, le premier réflexe, c'est de dire « Oui, mais alors, on n'a pas de texte, ils n'ont pas fait de rapport, ces deux ambassadeurs. » Bon, ben, point barre, l'histoire s'arrête ici. Hein. Oui, c'est un peu plus compliqué, parce que, bon, évidemment, ils ont pu faire un rapport qui a été perdu. Hein, les archives en milieu tropical, de façon générale, se perdent assez rapidement. Quand bien même ils n'en ont pas fait, on peut trouver des textes qui nous aident à contextualiser ce qu'était leur action, hein, système d'interaction pensé dans lequel sous le régime duquel ils agissaient. Et puis surtout, si on regarde alors tous les textes qui existent et qui ne parlent pas des rapports aux Européens, alors là, ça soulève une autre question. Et ce qui est en jeu derrière, c'est tout simplement de montrer que les Européens n'ont commencé à devenir importants pour, allez vite, les Asiatiques, qu'à la fin du XVIIe siècle, au bas mot. Jusque dans les années 1650-1660, les Européens sont des marchands parmi d'autres. Des types sans manières, bon, des types venus, oui, de pays lointains, etc. Mais les Européens ne pèsent en rien dans l'histoire politique du monde malais. Autrement dit, du jour au lendemain, les Européens ne sont pas devenus un acteur politique important dans l'océan Indien, en Insulinde, etc. Il a fallu plus d'un siècle pour bâtir un rapport de force et pour le faire basculer à leur avantage. Voilà. Donc ça, c'est aussi un des enjeux secondaires, qui est de ne pas aller trop vite, finalement, en besogne, lorsqu'on écrit l'histoire de ces contacts. Voilà, et je m'arrête là. Merci beaucoup de cette fort jolie carte. Ouais, c'est un peu chargé à la fin. Palimpseste, mais bon. Des questions ? J'en aurais une première. Ah non, hein, allez-y. Allez-y. C'est bon. Est-ce qu'on peut pas considérer que c'est un choix politique ou d'ignorer tout ce qui a trait au monde occidental de la part des récits, une forme d'ignorance, je sais pas comment la qualifier, mais de mépris politique, quoi, de mépris. Voilà. Si, on peut suggérer ou imputer tout un tas d'intentions, de stratégies, etc. Le problème, c'est que au départ, on se trouve face à des mondes documentaires, des textes, qui ne mentionnent pas les Européens, qui expliquent assez rarement pourquoi ils ne les mentionnent pas. C'est le prix du silence. Et donc, sans même aller jusqu'à imputer une stratégie du mépris, ou etc., qui pourrait être une stratégie politique tout à fait constituée, le simple fait de ce silence pose des questions et permet de remettre en cause la fabrique du grand récit. On n'a même pas besoin d'aller jusqu'à... Parce qu'après, si vous voulez, on est toujours sur des terrains extrêmement glissants. En particulier, bon, on est quand même dans le temple de la critique de l'instrumentalisme ici, mais alors ce langage de la stratégie, de l'intérêt, de l'intention constituée, etc., etc., pour le coup, est horriblement anachronique pour le début du XVIIe siècle. Le terme d'intérêt ou de stratégie n'existe même pas dans les langues européennes, où sont dans des emplois totalement différents. La notion d'individu totalement différente de ce qu'elle sera dans la haute modernité du XVIIIe siècle, etc. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le langage de l'analyste peut-il être à ce point distant et anachronique par rapport au langage de sa documentation qu'il parvienne néanmoins à en faire sens. Je pense que pour la période moderne, il faut faire très attention. Peut-être travailler sur la fin du XIXe siècle, il n'y a pas de problème. Hein, les bourgeois écrivent et pensent comme vous. Ils pensent en termes d'intérêt, de stratégie, de mariage de filles pour des dots, de je ne sais quoi, etc. Et puis ils l'écrivent. Hein. Quand ils tiennent des carnets, etc. Pour la période moderne, ces langages-là ne sont pas encore constitués, et il y a une très grande violence analytique à les faire jouer dans l'exploitation des documentations. Mais comme je vous l'ai dit, à la limite, on n'en a pas forcément besoin, c'est-à-dire que c'est plus la question du silence en tant que tel qui est finalement dérangeante. On peut peut-être quand même prendre en compte des enjeux différents. Tant qu'ils sont exprimés dans les documentations, oui. Bien sûr. Parce que d'un côté, bien sûr, les enjeux sont sûr, clairs. Exactement, bien sûr. Donc, c'est le, bien sûr. Les Européens, on sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils cherchent. Sûr. Par contre, de l'autre côté, bon, c'est plus difficile d'élaborer des hypothèses sur les enjeux. Ah bah après, de l'autre côté, on sait ce qu'ils veulent par rapport aux Ottomans. Oui, par rapport, je parle par rapport aux Européens. Oui, mais je pense qu'ils veulent pas grand-chose, pour dire oui, la vérité. Voilà, c'est en tout cas, ils n'écrivent rien. Il y a des enjeux. D'un côté, il y a vis-à-vis de l'Asie une stratégie. Alors, comme j'ai dit, qu'en plus, c'est une stratégie étrange, parce qu'en fait, ça n'est pas l'Asie pour elle-même. La compétition entre Portugais, Espagnols, Britanniques et Hollandais en Asie, tout au long du XVIIe siècle, est une compétition qui joue ou rejoue au loin les querelles domestiques. C'est une volonté de puissance. C'est une volonté de puissance, et surtout, ça explique aussi beaucoup de choses. Ça explique pourquoi les Portugais, pendant un siècle, ne vont pas vouloir de conquête territoriale en Asie. Ça explique pourquoi les Britanniques et les Hollandais ne voudront pas rentrer dans des négociations compliquées avec les souverains locaux, etc. Parce qu'en fait, leur vis-à-vis aux Indes, ça n'est pas les souverains asiatiques, c'est le pouvoir hispanique. C'est avec lui qu'on négocie. C'est avec lui qu'on négocie. Grotius négocie en 1602, 1605, 1607 à Londres. C'est une puissance, mais à l'intérieur. Exactement. Oui. Exactement. Et ils ont d'ailleurs, bon après vous le savez, mais une connaissance tout à fait lacunaire et lapidaire de l'Asie. Hein. À l'époque, il n'y a aucune carte, on ne sait même pas comment naviguer sans risque jusqu'en Chine. Mais ça explique aussi, parce que souvent on se dit, après tout, enfin, les Européens, là, on se dit souvent ils auraient pu être plus rationnels. Les Portugais, ils auraient dû faire alliance avec le Samoran de Calicut contre Vijayanagar pour avoir le soutien de un tel, etc. Alors, par contre, c'est avec nos lunettes d'aujourd'hui. Un, c'est avec nos lunettes d'aujourd'hui. Et deux, surtout, je pense que c'est une mauvaise lecture du lieu réel de l'enjeu. Le lieu réel de l'enjeu, c'est pas le sous-continent indien. Le lieu réel de l'enjeu, c'est les luttes en Europe même. En Europe même. Parce qu'on est toujours dans ce monde du pouvoir impérial et que l'Europe est en train de se reconfigurer totalement. Voilà, et ça explique aussi, par exemple, les récits de voyage des Européens en Asie à l'époque. Il n'y a absolument aucune curiosité des Européens pour l'Asie. La curiosité des Européens pour l'Asie, c'est un phénomène du XVIIIe siècle. Hein. C'est Volney, etc. C'est les années 1750, où on décrit, on pense, les grandes civilisations disparues et tout. Non, les récits de voyage des Hollandais, c'est des carnets de contes. Ils débarquent dans des tas de villes dont on n'a jamais entendu parler. La seule chose qui les intéresse, c'est les taux de conversion, les poids et mesures, et d'écrire les marchés. Hein ? Et donc, quand vous passez votre temps à lire des récits de voyage, au bout d'un moment, c'est d'un ennui prodigieux. Ça n'apprend rien sur les sociétés locales. Par contre, ça vous apprend bien ce qu'est le monde de ces gens-là. Et ces gens-là, en fait, n'ont aucune envie de découvrir l'Asie. Ils y vont pour faire du commerce, ramener, vendre, faire du profit. Donc à nouveau, il ne faut pas avoir cette lecture qui est plus 18e siècle. Alors au 18e siècle, il y aura un romantisme du lointain, de l'Orient, etc. Mais à l'époque, en fait, tout ce qu'on fait en Asie ne vaut que par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on peut faire en Europe. Par procuration. Oui. Ce qui implique d'être capable, pour lire ces textes, de chausser des lunettes qui permettent de voir ce qu'il n'y a pas dans ces textes. Oui. Il faut être capable de lire ce qui n'est pas présent pour mieux comprendre justement le rapport qu'il pouvait y avoir ou le non-rapport qu'il pouvait y avoir. Tu as raison. Mais ce qui est frappant vraiment, par exemple, c'est alors le premier récit hollandais, premier récit publié, c'est la première fois que les Hollandais arrivent à Java. Alors les Hollandais arrivent à Java, en plus en ayant navigué d'une traite depuis le Cap et Madagascar, donc ils ont traversé d'une traite l'océan Indien, donc les Hollandais ne sont jamais allés en Asie, et là ils débarquent dans le sultanat de Banten au nord de Java, qui est une ville fortifiée avec un sultan, des officiers d'apparat, etc. etc. On se dit, là on va avoir des descriptions fabuleuses, hein, rien. Même lorsqu'ils se rendent dans le palais du sultan, rien. Alors par contre, c'est quand même un texte qui fait en gros l'équivalent de 240 pages, 120 folios recto verso. Et alors, par contre, la description du poivre, de la noix muscade, du massis, des cinq manières de peser en balance chinoise, balance romaine, etc., etc. Alors ça, on en a quantité et quantité et quantité. Donc c'est en même temps assez facile parce que du coup, il y a une attente naturelle de notre part qui est immédiatement déçue. Donc ce qu'il n'y a pas dans ces textes, concrètement, c'est la vie autour du marché. Ouais. Ils sont pas curieux, hein, vraiment. Mais c'est parlant. C'est extrêmement parlant. C'est un silence qui est parlant, parce que d'un autre côté, je pense que c'est aussi un moyen, du coup, d'accéder à l'outillage mental des individus des personnes qui se rendent là et qui racontent ce qu'ils ont vu. Il y a deux possibilités. Soit ils ne voient pas ce qu'ils auraient dû voir parce que d'une certaine manière ils sont pas prêts à le voir, d'une certaine façon, parce qu'ils ne sont pas fabriqués comme ça, c'est une possibilité. Ouais. Soit tout simplement, ils ont bien vu ce dont on pense qu'ils auraient pu le voir, simplement ils ne le disent pas. Il y a, les deux possibilités, à mon avis, on peut pas résoudre ça. Mais il y a potentiellement ces deux possibilités. Alors après, si on rentre dans l'histoire d'un texte donné, on peut avoir un certain nombre d'éléments qui... Bon. C'est-à-dire, par exemple, on peut faire l'histoire des gens qui écrivent ces récits de voyage et montrer que, je vais vraiment très vite, c'est une contre-élite lettrée. Ce sont des challengers de l'ordre universitaire, ce sont des challengers de l'ordre scolastique établi. C'est-à-dire, ce ne sont pas des lettrés des universités, ce ne sont pas des gens qui viennent du séminarium de l'université de Leyde, ou etc. Ce sont des gens qui ont une éducation. Les Pays-Bas, à l'époque, vous le savez, sont, dans les années 1580-1590, un des hauts lieux de la publication des imprimés à bas coût, immigration anversoise, presse partout, etc. Un des plus forts taux d'alphabétisme, de capacité de lecture d'Europe. Donc même un artisan spécialisé, un charpentier aux Provinces Unies, à Amsterdam, en Zélande, est capable de lire, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres segments d'Europe. Et les gens qui écrivent ces récits de voyage viennent de ce milieu-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que là aussi, il y a une histoire interne de ces textes à faire. Ce sont des gens qui essayent de renverser la grammaire des relations d'autorité savante en disant qu'est-ce qui fonde l'autorité d'un discours ? C'est l'expérience à la première personne. C'est le fait qu'on ait vu, qu'on ait touché les choses. Ça n'est pas la glosse des anciens. Vous savez qu'à l'époque, encore pendant longtemps, encore jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le régime d'entendement scolastique, c'est-à-dire connaître le monde à travers la glosse des anciens, la glosse de l'histoire naturelle, la glosse de Strabon, etc., c'est quand même un mode de pouvoir savant extrêmement fort. Et ces gens-là, alors ça commence en fait dès l'arrivée des Portugais aux Indes. On a des textes où les scribes embarqués à bord commencent à dire par exemple, les anciens, hein, Pline, dans son histoire naturelle, nous avait dit que dès qu'on aurait passé la ligne équinoxiale, hein, l'équateur, quelques milles plus loin, on gèlerait, puisqu'on serait aux confins de la Terre, qui sont glaciaux, etc. On a crevé de chaleur. Ça, c'est Oviedo, dans son histoire générale et naturelle des Indes, hein, Oviedo y Valdés, qui est l'un des grands naturalistes portugais des années 1520. Oviedo dit, pas du tout, on a suffoqué. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire naturelle qui, finalement, ne nous dit que des bêtises, hein. Donc, en fait, les voyages vers le lointain seront, au XVIe siècle, l'une des modalités pratiques de la remise en cause de l'autorité scolastique. Rappelez-vous Montaigne et les cannibales. Montaigne, d'où Montaigne tient-il ses informations sur le Brésil, le Tupinamba, etc., etc. Montaigne dit littéralement « Je les tiens d'un homme qui n'est pas savant. Je les tiens d'un informateur, hein, qui est un marin, hein, qui est un rude marin, je crois, à un moment, il dit. » Et il dit « Et c'est même un gage de la qualité de ses informations. » Parce que les gens lettrés ont tendance, je paraphrase, à en rajouter, à en berlificoter, etc. Si vous voulez savoir des choses sur le lointain, demandez aux marins. Voilà. Alors, 1580, on est dans cette attaque, qui est une attaque tous azimuts à l'époque, hein, contre le savoir scolastique constitué, contre la hiérarchie d'autorité des académies, etc., etc. Et les voyages vers le lointain jouent un rôle crucial là-dedans. Il y a un autre exemple, il y a aussi l'invention des sciences expérimentales, on pourrait dire. Alors, Oviedo y Valdés, toujours lui, ce naturaliste portugais, donc, qui débarque en Caraïbes et ensuite aux Amériques, il y a deux exemples assez amusants. D'abord, il ne croit jamais ce qu'on lui dit s'il ne l'a pas expérimenté. Alors un jour, des colons d'Hispaniola lui disent « Il y a des termitières géantes dans la jungle qui sont tellement dures que si on tape dessus avec une barre de métal, la barre casse. » Oviedo y va, prend une barre de métal et tape dessus. Et il nous raconte dans son récit, dans son histoire générale des Indes, qu'il l'a fait et que du coup, c'est faux, ces récits-là. Il y a un autre exemple, il dit, alors je ne sais plus d'où ça vient, probablement de Pline aussi, c'est un peu l'histoire naturelle de Pline qui est le punching ball d'Oviedo, il dit, on nous explique que l'invention de la navigation à voile vient de Dédale et d'Icare. Vous connaissez les mythes sur Dédale et Icare, donc en fait, sont eux qui ont montré aux hommes comment mettre un bout de tissu, le gonfler, avancer sur l'eau, pour aller vite. Et Valdés nous dit, moi quand je suis arrivé à Hispaniola, j'ai vu des Indiens Caraïbes et qui avaient des navires à voile. Alors là, il y a deux possibilités. Soit Dédale et Icare ont fait des tours par les Caraïbes, et honnêtement, ça me semble, mais il le dit tel quel. Et il faut imaginer dans un texte publié, je crois que c'est 1520, l'histoire générale des Indes, le formidable challenge, hein, que ce type de récit pose à l'entendement scolastique. Donc il dit en gros, soit Dédale et Icare sont passés par la Caraïbe en des temps reculés, je n'y crois pas trop, soit c'est faux. Soit c'est faux, l'invention de la voile, naissance d'une théorie, non pas diffusionniste, mais polycentriste de l'invention des techniques, etc. Donc tous ces voyages vers le lointain ont été des creusets de la remise en cause de ces savoirs-là. Voilà le type de choses qu'on peut lire dans un texte, un récit de voyage hollandais. Lodewijk, qui est l'auteur du récit de voyage, premier voyage hollandais à Java, ce qu'on lit dans son texte, alors ce qu'on lit pas, voilà, c'est une description de Java. Par exemple aussi, il n'y a jamais de description du paysage javanais, avant les années 1650. Parce qu'à l'époque, voilà, le registre de l'émotion bucolique n'était pas tellement constitué. Par contre, ce qu'on lit en creux, c'est le fait que Lodewijk, qui est un mec qui, je fais les choses très vite, mais qui en gros est passé par ce qu'on appelait une école de maître d'école, mais il n'est pas passé par l'université, donc c'est un mauvais latiniste par exemple. Enfin, les citations qui sont tronquées, etc. Par contre, c'est quelqu'un qui écrit de manière, et en plus il a l'aide de son éditeur, Kleischson, qui est le grand éditeur des récits de voyage à Amsterdam, etc. Donc il y a toute une opération éditoriale autour de la publication de ce premier récit de voyage. On voit que Lodewijk en permanence en appelle à l'autorité de l'expérience contre l'autorité de la glose scolastique. Voilà le type de choses qu'on peut lire dans ce récit. Concernant ce qu'il a écrit et pas écrit, mais aussi la question des censures sur la publication des récits de voyage, qui est un thème aussi d'ailleurs de l'histoire sociale du livre et du récit de voyage extrêmement intéressant. Donc évidemment, lorsqu'on revient des Indes et qu'on publie un récit, il y a des tas de choses qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas donner d'arguments et de données aux concurrents. Donc il ne faut pas mettre de cartes avec des coordonnées précises, il ne faut pas mentionner les temps de navigation entre tel et tel lieu, etc., etc. Et à Amsterdam, très rapidement, il y a un régime de censure qui se met en place. C'est-à-dire que avant de publier, donc il y a un édit des États généraux qui dit qu'avant de publier un récit de voyage aux Indes, il faut le montrer à l'amirauté, à un collège de l'amirauté qui l'expertise et qui en gros dit il faut enlever ça, il faut enlever ça, il faut enlever ça. Donc voilà. Donc si tu veux, sur un texte donné, on peut, et alors dans le texte de Lodewijk, par exemple, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 1917, on a retrouvé deux chapitres qui n'ont jamais été publiés à l'époque. Et qui sont des chapitres qui traitent justement des îles aux épices, hein, de comment aller aux Moluques à partir de Java. Et ce sont des textes qui ont été censurés par un collège de l'amirauté d'Amsterdam. Et on a retrouvé ces textes seulement en 1917. Donc en fait, ce texte de Lodewijk, publié pour la première fois en 1597, ben pendant trois siècles et quelques, on l'a cru complet, et on s'est rendu compte que non, la censure s'était bien exercée, on peut dire quand, comment, maintenant, voilà. Donc on peut faire ce travail-là, à condition de rentrer dans une histoire, alors pour le coup extrêmement pointue, des textes. Et il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est que la production d'un récit de voyage à l'époque n'est pas une opération d'auteur en nom propre. C'est une entreprise collective, la fabrique d'un livre de voyage. Il y a une intervention très forte de l'éditeur. L'éditeur, lui, il a pour le coup une idée du marché, de la manière dont on va vendre la chose, etc. Et Kleischson, qui est l'éditeur amstelodamois de tous ces récits de voyage, c'est vraiment quelqu'un qui va révolutionner en fait ce genre-là. Et c'est lui qui va les publier systématiquement et tout. Donc il faut prendre en compte Kleischson, dont on sait comment son atelier était organisé, comment il fonctionnait, comment il était financé, etc. C'est une opération complexe qui fait intervenir les relations entre éditeurs et graveurs aussi. À l'époque, les graveurs, les étampeurs, etc. Tout ça, ce sont des corps constitués, des guildes, voilà. Et donc en fait, un récit à l'époque, et c'est la même chose en monde malais d'ailleurs, est une espèce d'entreprise collective. C'est pas tellement la notion d'auteur individuel comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste de l'intention de Lodewijk, témoin à la première personne dans son texte publié, après l'intervention de son éditeur, après les négociations avec ses graveurs, après les négociations avec les censeurs? Difficile à dire. Voilà, mais on peut le faire quand on a le moyen, quand on trouve les documents sur un texte donné, et c'est long. Ouais. Alors justement, c'est deux questions sur les sources. Et est-ce que du coup le corpus que tu utilises, mm-hmm. c'est un corpus qui soit néerlandais, portugais, malais, etc. Est-ce que c'est un corpus qui généralement a déjà été publié, traduit, mm-hmm. Si oui, quand? Enfin, tu disais notamment que bon, au 19e, en France, on avait publié une partie donc de l'ouvrage malais que tu mentionnais. Ou alors, est-ce que c'est aussi constitué en partie d'archives malaises, indonésiennes, qui ont pu être récupérées, qui sont plus ou moins inédite. Enfin, est-ce que tu travailles sur un corpus imprimé ou est-ce qu'il y a également d'une certaine façon, des sources que tu crées à partir d'archives? C'est une question. C'est quand même du jeu. Comment est-ce qu'on fait comment est-ce que ça marche quand on va dans les archives malaises? Et la deuxième question, qui est un peu liée à ça également, est-ce qu'à l'heure actuelle, dans cette région, l'ancienne Malaisie, est-ce qu'il y a des tentatives pour écrire l'histoire de cette, soit de cette rencontre impériale, soit de la colonisation hollandaise de la Malaisie? Alors sur la première question, comment ça marche quand on va aux archives nationales à Jakarta ou à Kuala Lumpur? De la même manière que quand on va aux recherches de la Haye. Okay. Il y a des conservateurs, il y a des documentations classées. Les documentations, de façon générale, de la fin 16e, début 17e, sont extrêmement ténues. Mais des deux côtés, d'ailleurs. Hein, parce que là, j'ai parlé de la chronique de fin de Mitterrand, mais une grande partie des archives de la maison du Stadthouder Maurice de Nassau à l'époque a été perdue parce que, justement, il n'y a pas de palais. Le palais ne sera bâti que par Frédéric Henri 20 ans plus tard, et donc c'était un campement militaire qui se déplaçait. Donc on a les textes édités des grandes chroniques, première parution 1608 pour Van Meteren, mais à part les correspondances diplomatiques externes au campement militaire, on a peu d'archives de la maison de Nassau de cette époque, et c'est un peu la même chose pour les archives du sultanat d'Aceh. Très très peu de documentation début 17e, on a quelques lettres quand même. Bon, c'est la même chose, hein. Tu vas aux archives nationales à Jakarta, tu localises la cote, INV 1208 1605-2, tu fais sortir la lettre, et voilà quoi. C'est... Donc sachant, il n'y a pas en tout cas de rupture du régime de la reconstitution et de l'interprétation documentaire d'un pays à l'autre. Après, il y a les problèmes que pose le... Ça dépend. La vraie question est de savoir... Par exemple, l'idée sous-jacente était, est-ce que, par exemple, la présence hollandaise aurait pu, du coup, jouer un rôle soit dans la destruction d'un certain nombre de textes ou... Oui. Alors, bon, c'était surtout ça. Là, il y a une compétition entre l'Europe et le climat tropical pour savoir qui a le plus détérioré les archives, mais de facto, c'est un climat 92% d'humidité, Sumatra et Java. Je ne sais pas si vous regardez la température aujourd'hui, ça doit être 32 degrés, minimum 28, etc. Donc le papier survit très très mal à ces climats-là, c'est ça qui explique. Et il y a eu des pillages européens par la suite, d'ailleurs des bibliothèques royales, effectivement, au début du 19e siècle. Mais les simples ravages du climat font que des textes... Et en plus, alors, c'est là où la vraie différence, de toute manière, bon, dans toute recherche en archives, c'est entre l'imprimé et le manuscrit. C'est ça la vraie différence. Parce que quels que soient les fonds d'imprimerie utilisés, c'est assez facile finalement de rentrer dans la lecture d'un imprimé. Par contre, l'écriture manuscrite, alors là je peux te dire que oui, tu peux passer une semaine pour déchiffrer une lettre. Hein, et c'est vraiment un jeu de pistes, quoi. Hein. Donc la vraie différence, elle est là. C'est pas tellement après, au 19e siècle, au 20e siècle, comme partout, il y a des grandes compilations documentaires où on collecte, hein, et, etc. Mais le vrai problème, c'est la question de la paléographie des textes. Hein. Et par exemple, j'utilise un fond de lettres de marin, Lambert Bisman, qui est un marin de la première navigation, qui n'est pas du tout un lettré. Bon, il faut dire la vérité, certaines lettres sont indéchiffrables. Et même la personne qui est la première à trouver ces lettres en a édité une partie, n'a pas été capable d'aller beaucoup plus loin, et qui pourtant est un paléographe moderniste, spécialiste de l'époque, etc. Donc la vraie différence est toujours l'imprimé, le manuscrit. Fin de Mitterrand, la langue est archaïque, parce que le hollandais du début du XVIIe est rempli de germanisme, il y a aussi quelques parlers locaux qui font des apparitions et tout, mais enfin en gros, si tu as appris le hollandais contemporain, tu peux assez facilement traduire du hollandais début XVIIe. C'est un moment de grande standardisation des langues européennes. La vraie césure, c'est 1550 dans l'histoire des langues, à peu près. Un texte français de 1600, tu pourras le lire. Un texte français de 1550, ça m'étonnerait. Vraiment, il y a un saut de standardisation très très fort. Donc quand on est début 17e, on a assez peu de problèmes. On travaille avec des dictionnaires étymologiques, etc., mais c'est pas tellement le problème. Le vrai problème, c'est la matérialité de l'écrit. Et un texte imprimé, on arrive toujours à tracer son chemin dedans. Par contre, l'archive manuscrite, c'est parfois redoutablement compliqué. Il n'y a pas de standardisation pour le coup, pour l'écriture manuscrite. Donc ça veut dire qu'il faut faire une paléographie du texte. Hein. Tu fais un alphabet. Alors, il suffit que le mec écrive deux fois le F d'une manière et deux fois d'une manière différente. En gros, tu décryptes des hiéroglyphes, ça devient fou. Hein. Et donc ça veut dire que la surface archivistique que tu peux couvrir quand tu travailles du manuscrit, c'est un centième ou un millième de ce que tu couvres quand tu travailles de l'imprimé. Après, la question de la nature de l'imprimé, d'époque ou en compilation contemporaine, finalement, est secondaire par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que souvent, le paradoxe, c'est qu'il y a eu beaucoup de compilations de ces récits de voyage, etc. Il y a peu de traductions d'une langue à l'autre. Les récits de voyages hollandais ou l'archive des voyages hollandais, d'abord parce qu'il n'y a pas tant de gens qui s'intéressent à ces choses-là, quoi, tu vois. Donc un gain heuristique et analytique très fort et très rapide, bah, c'est vraiment frappant sur le cas de cette Carac. Il y a un texte portugais, le texte de Maître do Amaral, qui en fait est chargé d'une enquête sur le capitaine qui s'est fait braquer son galion. Le pauvre, quand il rentre après être passé par Pernambouc à Lisbonne, la justice royale le fait passer devant le Desembargo do Pacho, c'est-à-dire la cour de justice royale, et le capitaine doit se justifier d'avoir perdu la bataille contre les trois vaisseaux hollandais. Et on nomme un officier pour enquêter sur la perte de cette carac, c'est Melchior do Amaral, qui va rédiger un traité sur la perte du galion Chautiago, etc. Et alors, bon, pareil, on peut faire l'histoire de ce texte, de pourquoi il prend plutôt position en faveur de ce capitaine portugais, etc. Donc là, on a voilà, un texte qui a été utilisé par les auteurs portugais dans l'histoire des grandes découvertes portugaises, mais jamais, par exemple, par les auteurs hollandais qui ont travaillé sur l'histoire de ces deux bateaux hollandais, hein, le Witan Arend et le Zone, dont on a publié par ailleurs les livres de bord. Donc un gain analytique assez simple, c'est que tu prends les textes de bord hollandais, tu prends le texte portugais et tu coupes, tu croises, quoi, tout simplement. D'abord, ça permet de vérifier des chronologies, des cartographies. Et puis, c'est assez fascinant. Moi, je suis toujours frappé par une espèce de mythe naturaliste de l'archive. L'idée que, par exemple, un événement, c'est une chose qui est constituée par des récits qui s'imbriquent. Un peu comme dans une discothèque, il y a une boule qui tourne au plafond. Ça marche jamais comme ça. Même sur un événement, mars 1602, etc., tu prends le texte d'Amaral, tu prends les récits hollandais, ça se recoupe pas. Parce que les catégories même d'énonciation de l'expérience, par exemple le langage technique de la navigation, est à ce point différent que ce qui est identifié comme un gaillard arrière sur un galion par les hollandais est considéré comme un chapiteau par les... Ça. Donc il y a des vraies incommensurabilités de vocabulaire qui très rapidement dissolvent l'idée de... Voilà. Alors tout ça pour dire, en fait, j'en viens à une chose, c'est que c'est une histoire qui, moi, m'intéresse et qui, je pense, devient possible à partir du moment où on travaille à corpus extrêmement réduit. Parce qu'il faut rentrer dans chacun des textes suffisamment profondément. C'est pas de l'archive de, on ne fait pas de l'archive de carton, où on abat, ce qu'on a beaucoup fait pour les Hollandais. Les archives de la VOC, c'est les plus grandes archives coloniales du monde. Hein, 17 km de linéaire à La Haye. Tout bien classé, les Hollandais étaient des grands maniaques. Les archives de la VOC sur deux siècles, c'est vraiment... Et donc on a fait beaucoup d'abattage intensif de cette archive. Hein. Bon, vraiment une espèce d'histoire naturaliste, c'est-à-dire on reprenait les correspondances et on disait machin a fait ça, truc lui a répondu que, etc. etc. Et on s'est assez peu arrêté sur chacun des récits, sur la manière dont ils étaient énoncés. C'est un peu ça le tournant dans les études impériales en ce moment, aussi bien sur la VOC que sur l'East India Company. C'est qu'on est sorti de cette espèce d'abattage sériel de l'archive et on rentre à nouveau dans une interrogation sur les règles de composition des textes, les catégories d'énonciation de l'expérience, etc. etc. Donc, alors, et du coup, ça veut dire qu'il vaut mieux... Toi, c'est difficile de travailler à échelle plus réduite que l'histoire de la Chautiago, qui est vraiment un événement qui prend place sur 4 mois, etc. Mais ça permet d'avoir finalement une plage documentaire quasi exhaustive. Bien qu'on trouve un autre récit, mais bon, on a quand même au moins 5 ou 6 récits pour un même micro-événement. Mais ça permet de descendre beaucoup plus profondément dans les textes. Voilà. Et je pense que le renouveau vient de là, parce que c'est un paradoxe, on pense toujours, enfin beaucoup d'étudiants en tout cas, qu'il faut abattre de la documentation, etc. Non, on produit un certain type d'effet heuristique avec de l'abattage sériel de l'archive. On produit un type d'effet heuristique complètement différent avec, au contraire, un usage intensif du document. Et je vous donne un exemple. Quand on fait de la lecture sérielle de l'archive institutionnelle, on produit des effets de familiarité. On est tout de suite en terrain connu. Des gens qui se répondent, qui font des choses, alors pour le coup, qui ont des intérêts, des stratégies, etc. C'est une histoire qui vous déroute assez peu. Quand on fait, au contraire, de beaucoup plus d'histoire linguistique, pour le coup, qu'on s'arrête sur les vocabulaires, les vocables mis en jeu, etc., on crée des effets d'étrangeté. C'est-à-dire que c'est simple, hein, si j'ouvre un article par le récit d'un marin portugais de la Chautiago, en essayant de rester dans une traduction très littérale de ce qu'il dit, ça vous est incompréhensible. Le langage de la mer, de façon générale, est un des langages techniques les plus compliqués, vous ne comprendrez rien à ce qu'il énonce. Vous ne comprendrez pas où il était, que quand il parle de ça, c'est un cordage, quand il parle de ça, etc. Si en revanche, je commence mon article en disant, voilà, il y a une carac qui s'appelle la Chautiago, et on a des archives, la première nous dit que le 16 mars, elle était là, le 12 avril, elle était là, etc. Il n'y a pas d'effet d'étrangeté. Donc c'est ça, c'est simplement que des régimes d'usage différents de l'archive produisent des effets différents. Et je pense que pour cette période-là, on a beaucoup trop joué de l'effet de familiarité. On a rendu ce monde du début du XVIIe siècle beaucoup trop proche de nous. Un autre exemple, c'est les textes religieux. On peut dire en deux phrases, le jésuite Deschussa écrit un traité sur le christianisme aux Indes orientales en 1604, qui est un traité d'évangélisation, point. On peut aussi citer les exemples d'oraison mentale que propose le jésuite Deschussa dans son traité, qui vous mettront à des milliers d'années-lumière de son monde. L'oraison mentale, qui est la grande pratique à l'époque de l'exercice spirituel intérieur ignatien, c'est un monde de la spiritualité, un langage de la spiritualité qui est incompréhensible aujourd'hui, quoi. Ça, il faut le traduire, autant qu'un texte malais, en fait. Alors, dernier point, et j'arrête, parce que c'est cette autre idée qu'en fait, il existe un texte ou une version. Le vrai problème pour les textes malais et javanais, c'est qu'en général, on a en moyenne entre 12 à 20 versions d'un texte. Et la question, c'est quand on édite un texte, quelle version on édite ? La plus ancienne ? La plus exhaustive ? C'est-à-dire la plus longue ? Celle qui présente les particularités de vocabulaire les plus intéressantes, etc., etc. Le problème de l'édition orientaliste des textes, alors pas seulement malais, mais aussi bien arabe, etc., jusque dans les années 30, c'est qu'en général, on ne te dit même pas quelle version on édite. Il n'y a pas du tout cette exigence-là, c'est une exigence très tardive. Hein. Aujourd'hui, il serait impensable de publier, d'éditer un texte malais sans produire, en gros, ce qui ressemble à un organigramme des versions. Hein. Mais c'est récent, ça, c'est vraiment le tournant des années 70 dans l'édition orientaliste. Hein. Avant, on ne sait pas quelle version. On ne sait pas quelle version est éditée. Est-ce que c'est pas, là, c'est Jalam Layou, il y a deux manuscrits dans la collection Raffles. Le Raffles 18, le Raffles 32. Bon, dans l'édition du texte de 1868 ou 78, on ne sait pas quelle est la version. C'est-à-dire, il faudrait relire intégralement, et ces deux versions assez proches. Il faudrait relire intégralement pour etc., etc. Donc il vaut mieux refaire une édition du texte malais en précisant très clairement quelle version et quel principe de romanisation on utilise, et refaire de la traduction à nouveau frais. Donc tout ça pour dire qu'il y a très peu d'effets cumulatifs dans l'édition critique des documentations extra-européennes. Il ne faut pas croire que tu prends un texte édité par un orientaliste en 1920 et tu peux t'en servir. Ça marche assez peu. C'est-à-dire que souvent, il faut vraiment refaire, et alors surtout sa traduction, il faut refaire la traduction. Il n'y a pas de manière de feinter. C'est pour ça que c'est très long. Et que du coup, alors oui, effectivement, tu brasses pas des quantités de textes. Relire le Tadjassa latine en malais moderne, c'est déjà... Bon, c'est un texte magnifique, donc on y prend du plaisir, on apprend à le traduire, etc. Mais ça prend des mois. Et à la sortie, je sais pas, il y a six paragraphes traduits. Et ce que tu dis sur les limites de l'histoire sérielle, ça me fait penser à un moment de l'historiographie en France, qui est en gros entre le milieu des années 70 et la fin des années 70, c'est-à-dire quand un certain nombre d'historiens commencent à revenir de l'histoire justement sérielle, quantitative, informatisée, et commencent à dire finalement, je me moque de savoir combien il y avait de livres dans la bibliothèque de tel bourgeois, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'ils lisaient. Et je pense qu'on arrive un petit peu à la même, d'une certaine façon, à la même chose, alors qu'on est 30 ans plus tard. Ouais. C'est un des nouveaux territoires de revanche de l'histoire sociale, tout simplement. L'histoire sociale, décennie après décennie, finalement reprend le pas sur l'histoire sérielle qu'a été l'histoire des grands maîtres dans les années 60 et 70. C'était impensable pour un Brodel ou un Chenu de ne pas faire de l'histoire sérielle. Et donc l'histoire sociale, qui est une histoire justement beaucoup plus de la lecture intensive, la micro-histoire est une histoire sociale qui fonctionne à la lecture intensive. Il faut vraiment se demander comment les gens pensent à l'époque, dans quelle catégorie, etc. C'est une reconquête des années 80. Et donc je pense que, décennie après décennie, l'histoire sociale reconquiert. Mais en retombant finalement d'une certaine manière sur des choses qui déjà avaient été plus ou moins déblayées auparavant. Alors, bien évidemment, c'est plus le même nom. Mais d'un autre côté, on retombe sur des choses qui sont quand même relativement semblables. C'est-à-dire que l'anthropologie historique ou l'histoire des mentalités, finalement, ne sont pas très éloignées, même si c'était fait différemment, d'un certain nombre de choses qu'on peut voir maintenant, comme par exemple la micro-storia, effectivement. On retombe sur des choses qui ne sont pas très, très, très... pas très éloignées, je trouve. Dans l'idée, et comment les gens pensaient. Quelles pouvaient être leurs catégories. Alors, simplement, le choix n'est pas toujours fait, comme dans les micro-storia, d'un micro-événement, comme tu le dis, donc on ne va pas forcément avoir l'univers du Meunier, d'une certaine façon, mais quand on lit certains textes de Vernon, on a véritablement cette idée, pourquoi ce goût de la géométrie chez les Grecs ? Parce que, il faut retomber sur l'esprit grec de l'époque et sur la manière dont il pensait. C'est-à-dire qu'il faut penser dans leur catégorie. Donc il y a un retour à l'émique d'une certaine façon qui est vraiment... Je pense qu'effectivement c'est des mouvements de balancier parce que au final il n'y a pas 36 000 manières d'utiliser une documentation, un texte d'archive. C'est vraiment ça. Soit on la met en série et on la fait parler parce qu'on l'a mise en série. Elle ne signifie quelque chose que parce qu'elle est entre tel autre document et tel autre. Ou alors, on la considère comme un monde et on rentre dedans. Et là, c'est une histoire beaucoup plus linguistique. C'est-à-dire que, alors la microstoria, effectivement, l'anthropologie historique, alors plutôt à la Schmitt fin années 70, parfois les dérives de l'ethno-histoire aussi, mais c'est des histoires qui ont beaucoup travaillé les catégories de l'énonciation. Et je pense qu'à l'époque, d'ailleurs, c'était beaucoup plus une aventure de médiévistes. Dans les années 70. C'est les médiévistes, alors peut-être parce que, voilà, chartistes de formation, ou je ne sais quoi, qui ont remis au goût du jour ça. Parce qu'après, la microstoria, c'est aussi une histoire compliquée, parce que, je veux dire, Ginsburg, c'est à la fois l'univers du Meunier, et puis c'est en même temps les sorcières qui volent sur 2000 km. Donc, il faut se méfier, la micro-histoire, c'est pas forcément c'est tout petit en bas. La micro-histoire, elle a vraiment deux régimes de preuves, même dans le pouvoir au village. Le pouvoir au village, c'est effectivement le document qui énonce quelle catégorie, etc. En même temps, il y a un gros effet d'objectivation qui est qu'on reconstruit les fronts de parenté à travers là. Et ça, c'est l'histoire sérielle. Et d'ailleurs, quand tu en discutes avec Giovanni Levi, il te dira que le dilemme n'a jamais été tranché. Quelqu'un comme Simona Cerutti, c'est-à-dire la deuxième génération de micro-historiens, alors eux, c'est vraiment des gens de l'étrangeté. En fait, d'ailleurs, le mot d'étrangeté, c'est les micro-historiens qui le remettent à la mode. Des gens comme Maurizio Ribaudi, Simona Cerutti, qui disent justement ce qui m'intéresse, moi, c'est pas d'abattre de l'archive royale pour vous définir ce qu'est la royauté en Italie au début du XVIIe. C'est de vous faire rentrer dans un texte de manière à ce que vous soyez tellement déstabilisé que ça me permette. Voilà, moi d'initier mon récit. Elle a fait un article magnifique dans les Annales qui est sur, qui lui a valu une polémique phénoménale avec Peter Salins. Tu as vu ce texte qui a, elle dit qu'est-ce que c'est le pouvoir royal, je sais pas, à Turin au XVIIe siècle. C'est pas un château, c'est pas des archives, etc. C'est des gens qui rentrent dans ta chambre quand tu meurs. Quand tu meurs, dans la chambre d'un mort, il y a des tas de gens qui vont défiler. Il y a les créanciers, et puis il y a des gens qui sont mandatés par le pouvoir royal et qui sont là pour faire valoir le droit de créance en premier ressort de l'État. Et elle dit dans cette scène, alors moi je plante mon chevalet dans la chambre du mort et je regarde où est l'État. Ben, l'État, c'est ces deux types qui vont venir dire, attendez, ça, ça nous appartient parce que le mort, ça ne passe pas à sa famille, ça ne nanana, etc., etc. Donc cette deuxième génération de micro-historiens, qui est justement très opposée à Ginsburg et à l'école de Ginsburg, sont des gens qui jouent l'effet d'étrangeté. Et ça, je trouve ça intéressant. Enfin, je trouve que ça... Voilà, alors Peter Salins, parce qu'évidemment, c'est une attaque contre les gens qui, justement, définissent les choses, quoi, avant. Peter Salins nous a défini la souveraineté, la royauté, etc. Et en gros, elle dit, un, ça sert à rien, et deux, c'est ennuyeux. Donc la réponse de Peter Salins... de 10 pages, etc., etc. Mais c'est intéressant parce que c'est ce que tu disais, l'enjeu, il est là. Et c'est ça, l'histoire sociale, quand même. Mais les deux sont nécessaires, non ? Ces deux approches se complètent. Dans l'économie de l'écriture d'un récit, c'est pas si évident. Ah bon ? C'est pas si évident. Bah, que faire de Pierre Chaunu ? La thèse de Chaunu, 4000 pages, hein, Séville et l'Atlantique, hein, toutes les caracs, tous les galions, etc. Moi, je me suis souvent posé la question, parce que, mais qu'en faire ? Enfin, il y a vraiment des statistiques sur les cordages, les volumes de voile, c'est-à-dire que quel usage en faire ? Alors on peut dire, Pierre Chaunu montre bien au tome 3, page 1257, tableau 736, d'ailleurs généralement fait par sa femme, hein, qui est un peu la petite main des tableaux statistiques, Huguette, que les voiles étaient très importantes lorsqu'on armait un navire. C'est pas si facile le passage de l'un à l'autre. Mais ça peut être la même chose à ce moment-là pour Petri Grenouillot avec son histoire de l'esclavage. Oui, c'est pas forcément... Ben, par exemple, comment faire dialoguer l'histoire de Petré Grenouillot, qui est vraiment une histoire de la statistique en survol, avec une monographie très localisée des systèmes de la dépendance servile sur la côte du Ghana au début du XVIIe. Oui, mais pourquoi les opposer ? Oui, ou même avec... C'est pas la question de les opposer, je dis que... Les deux peuvent apporter des situations différentes et des approches différentes, peuvent vous apporter... Mais je pense que le lieu même de la compréhension est différent. Ah, peut-être, oui. Non, mais je veux dire, bah oui, mais quand même, ça veut dire qu'on peut pas recomposer un récit où on dirait, alors on a le contexte, c'est Pétré-Grenouillot, hein, là, sur un siècle, on sait que ça bouge comme ça, puis on a l'étude de cas, c'est le Ghana, et on montre que etc. C'est ça, et bien sûr, sinon l'histoire globale serait en paix avec elle-même depuis 20 ans. Mais ça marche pas bien, parce que quand tu écris vraiment le récit, tu as du mal à faire jouer ces arguments, justement, d'objectivation statistique lourde. C'est très dur à utiliser. Et moi, j'ai finalement, à la sortie, alors bon, j'en ai lu pas mal, parce que sur l'océan Indien, on a quantité d'études d'histoire économique, j'en ai lu pas mal, j'en cite pas mal en bibliographie secondaire, et finalement, ça m'a très peu servi dans l'écriture du récit lui-même. Un élément de compte. Bah oui, je parle par exemple à un moment donné des savoir-faire des Moualim, qui sont les pilotes, pour aller vite, arabo-musulmans dans l'océan Indien, mais moi j'ai mon texte à moi du Moualim qui m'intéresse. Bah ça me sert à rien de mettre une note de bas de page en disant l'histoire économique montre bien que les Moualim sont très importants dans l'océan. Qu'est-ce que ça apporte? C'est pas évident. Alors je le vois bien pour une histoire économique. Alors là, pour le coup, il faut de la série, c'est-à-dire que si on veut savoir quand est-ce que basculent les rapports de force, quand est-ce que s'inversent les termes de l'échange, etc. Mais c'est étonnant, moi je suis invité à discuter Pomerantz, là, quand il est passé à Paris, pour la traduction française de la Grande Divergence. On est autour de la table cinq spécialistes, entre guillemets, d'air culturel. Un africaniste, Pierre Boyer, il y a un indianiste, il y a moi pour l'insulinde, etc. Il y a Pomerantz avec lui sa grande théorie. La Grande Divergence est une grande théorie. Ça n'est que dans les années 1750 que s'opère le décrochage qui va permettre l'industrialisation plus rapide, moderne, efficace de l'Europe par rapport à un certain nombre de provinces de la Chine impériale. Et on est là pour discuter Pomerantz. Il n'y a aucun dialogue. Non, il n'y a eu aucun dialogue. Pomerantz, il a sa grande théorie. Alors lui, il a des séries statistiques longues, hein, vraiment. Là, c'est impressionnant, la documentation qui a été brassée depuis l'anal des Ming, etc. Mais nous, on était là à dire, alors en Inde, c'est pas pareil. En insulinde, c'est peut-être un peu différent. Pomerantz était là à dire, oh, je m'en fous. Donc, et c'est un bel exemple, justement, de tentative de dialogue entre ces deux modes d'histoire. C'est pas évident. Alors, on se lit avec intérêt l'un l'autre, ça, c'est pas la question. Moi, j'adore lire Pomerantz, Binh Wong, tous ces gens-là. Mais en même temps, quand on dialogue pour produire, quoi, ensemble, le dialogue est pas un Tim Brook. Parle exactement de la même chose que Pomerantz. Et Tim Brook, c'est un historien social. Alors lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la manière dont on écrit les annales des Ming. Alors après, les plaisirs des lettrés, divertissement culturel, etc. Et il travaille sur peu ou prou les mêmes documentations que Pomerantz. Ça ne communique pas, ça ne se parle pas. Ça n'a pas. Donc Pomerantz estime que Tim Brook est un excellent historien social de la Chine. Voilà, de période Wanli. Brook estime que, parce que Brook était au débat avec Pomerantz, et moi après je lui ai dit, alors pourquoi vous n'êtes pas intervenu, etc. Il a dit, moi ça ne m'intéresse pas, quoi. Mais c'est intéressant de dire ça, c'est-à-dire que c'est aussi, du coup, il n'y a pas ces effets de cumulativité du savoir aussi facilement qu'on le croit. Pourquoi il y a des débats en histoire globale? Pourquoi justement il y a des problèmes entre gens qui font des monographies locales et puis des gens qui font des séries longues, etc. Parce que articuler les deux est, dans les faits, très difficile. On parlait de Pétré-Grenouillot, là c'est pareil, c'est très difficile d'articuler le bouquin d'Olivier avec par exemple les travaux de Linbo sur qu'est-ce qu'un navire négrier. Ouais. Qui sont un travail incroyable où il explique ce qui se passe sur un navire négrier pendant le passage du milieu. Oui. Bah là c'est exactement c'est exactement la même chose. Ouais. C'est exactement. Parce qu'on a on a un objet flottant certaine façon qui permet d'écrire une histoire. Ouais. Ouais. Et puis d'un autre côté, c'est vrai qu'on a les deux apportent beaucoup. La question c'est comment on les apportent beaucoup, c'est que les deux, à mon avis, font rentrer dans des mondes différents. Ouais. Et à nouveau, je crois que l'opposition est entre familiarité et étrangeté. T'enfermer dans la cale d'un navire négrier pendant 300 pages d'un ouvrage, c'est une expérience heuristique totalement différente que te faire naviguer les siècles et les séries de chiffres en 400 pages. Le but n'est pas le même. Exactement. Oui. Le but n'est pas le même, mais du coup, c'est vrai, la question culturelle, c'est... Les informations ne sont pas les mêmes, mais moi je pense que les deux ont tout autant de l'importance. Ah mais je crois que... Là-dessus, mais ils n'appartiennent pas au même monde. Et par contre, on en fait quoi? Et les mettre ensemble est très dur. Faut-il les mettre ensemble? Non, moi je pense que non, par exemple. C'est tout. Voilà, il y a beaucoup de maisons dans la maison du père. Mais c'est important parce que ça veut dire que les historiographies sont des choses qui ont des vraies spécificités. On a un peu tendance, parce que moi le débat m'énerve beaucoup en ce moment, la histoire connectée, globale, petite échelle, grande focale, etc. On met tout dans le sac, on secoue. Comme si l'idée c'était qu'on allait rogner un peu chaque paradigme, tu vois, le serrer un peu aux entournures et faire une espèce de proposition universelle, méthodologique et théorique. Totalement faux. Il y a des historiographies qui sont des paradigmes pour partie incommensurables, qui nous font rentrer et naviguer dans des mondes qui sont pour partie incommensurables. Et ça n'est que quand on aura accepté ça qu'on pourra pour le coup dialoguer. Puis il y a aussi des travaux qui ne rentrent nulle part et qui pour autant disent des choses. Exactement, bien sûr, et qui sont en plus parfois et très intéressants. Et dont on ne peut pas dire si c'est effectivement l'histoire globale, du post-colonial, du connecté, du transnational, etc. Mais en fait, c'est un peu énervant de vouloir toujours cataloguer tout. Oui. Oui, mais ça, et c'est un peu le problème actuel, ça vraiment. Alors vous faites de l'histoire connectée, de l'histoire comparée ou de l'histoire globale croisée. Ouais, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça fait partie d'un. C'est un moment. Ouais. Bah, tu réponds, moi, je fais une histoire d'une Carac en mars 1602. Un moment comme ça. Et je sais pourquoi je la fais, par contre, hein, et quels sont mes problèmes. Non, mais bien sûr, après, j'ai eu droit aux mêmes questions pour savoir ce que je faisais. Exactement. Comment ça rentrait. Je sais pas. Voilà. Il y a un peu plus que l'histoire d'une Carac, je vous rassure quand même. C'est un chapitre. Après, il y a au moins deux Carac dans ce livre. En tout cas, merci beaucoup pour cette histoire de Carac et ce voyage en étrangeté effectivement quasi totale. Et puis, de notre côté, nous retrouvons donc au mois de mars avec Natalia Muchnik.